cookie. Sans en oubliant la science, qui n'ont rien d'autre en tête que rembourser la dette. suis pas fou, je suis pas fou, je suis pas fou. Ils font tout de la terre en fusée, en jet. Et toi t'as ce cartouche et pipi sous la douche. Ils font tour de la terre en fusée, en jet. Et toi t'as ce cartouche et pipi sous la douche. T'es vert, t'es pas mûr, boiton. T'es vert, au gros mur. T'es vert, t'es pas mûr, boiton. T'es vert, au gros mur. Admit it. We are old. We are young. We are married. Africa. Oh, oh, General Sir, avec vous. Climate change, destruction of the Earth's surface, and population growth are leading us to a tipping point. We'll be right back. comme un souci entre toi et moi. Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, merci d'être au rendez-vous à partir de 19h, l'émission Mavrikas sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 MHz, sur la région orléanaise. Vous pouvez aussi nous écouter partout dans le monde sur www.radio-arc-en-ciel.com. Com. Voilà, c'est plus point freux, ça a changé depuis quelques temps et à chaque fois j'hésite un petit peu. Heureusement il y a Florent qui me reprend à chaque fois que je me trompe. Donc c'est bien .com et vous pouvez nous écouter partout dans le monde le vendredi. Donc on est parti pour 3 heures d'émission musicale avec plein de bons artistes. On a déjà commencé cette émission avec le groupe 45 Tours, qui est un groupe originaire d'Orléans qui s'est produit il n'y a pas très longtemps au Dropkick et j'ai eu l'occasion de voir un groupe que je connais déjà depuis pas mal de temps. Ils sont déjà venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ça fait quelques années. Aujourd'hui ils sont plutôt dans la région de Tours, donc on a écouté un morceau qui s'appelle Peu importe ce que le monde dit de moi, je ne suis pas, et ça s'arrête là. Voilà, c'est déjà bien assez long. Juste après, c'était un groupe que nous avons reçu il y a quelques temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors ils reviennent régulièrement, hein. C'était les Twister Cover. On a écouté un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle les Falling Rain. On a écouté aussi un groupe qui est venu une seule fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais avec lequel on s'est bien amusé, on a passé une très bonne émission, le groupe Noir Cerise avec Je suis pas fou. Juste après le premier jingle, donc on a écouté deux nouveautés. Alors il y en a un que j'ai reçu aujourd'hui même, donc c'est vraiment une exclusivité mondiale sur Radio Arc-en-Ciel. Donc d'abord on a écouté Anaïs from Paris, un groupe que nous avons déjà reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. D'ailleurs ce serait bien qu'ils reviennent un petit peu parce qu'il y a de l'actualité entre temps. Donc ils m'ont envoyé plusieurs morceaux, j'en ai choisi un, le morceau le plus rock qui s'appelle Full Blast. Et à l'instant donc un morceau que j'ai reçu aujourd'hui même, c'est le groupe El Coyote, et qu'on n'a pas encore eu l'honneur de recevoir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, même ça ne saurait tarder puisqu'on est en contact depuis un petit moment. Il va falloir qu'on se cale vraiment une date. Alors El Coyote m'a envoyé un morceau qui s'appelle La Mélancolie et je le découvre avec vous. Alors aujourd'hui c'est l'émission numéro 669 et nous recevons aujourd'hui, c'est pas un groupe qui est là, même si on va parler de plusieurs groupes, hein. C'est une association qui s'appelle Creek for Zik et c'est une association qui fait des concerts et ils organisent pas mal de concerts et cette fois-ci il y a pas mal d'actualités pour 2026. Alors ils sont là dans les studios, ils nous attendent depuis tout à l'heure et je crois qu'il va y avoir de la bonne humeur parce que j'ai vu que ça souriait, ça rigolait déjà, donc on va les rejoindre juste après, mais pour l'instant on va écouter un morceau. Alors c'est nos amis Rascas qui ont participé au dernier Maverick Alive et le groupe Rascas nous interprète un morceau. Alors ça s'appelle Psycho, attendez je ne suis plus exactement comment ça s'appelle, je regarde ça vite fait et je reviens, hein. Voilà, c'est Univers Psychotrique, donc le groupe Rascas, un groupe qu'on aime beaucoup. D'ailleurs, ils reviennent quand ils veulent dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Et d'ailleurs, ils vont nous préparer quelque chose. On avait parlé d'un projet de la nouvelle chanson Maverica. On vous tiendra au courant pour les prochaines émissions. Aujourd'hui, l'association Creek for Zik dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour l'émission numéro 669. Qui me faisait peur. piloter cette machine extraordinaire. Puis j'ai pu réparer les engrenages rouillés et on s'est envolé. Donc, jusqu'à la dernière note dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika, on vient d'écouter Raskaz avec un morceau qui s'appelle, voilà, tout à l'heure, j'avais dit trop vite, hein, c'est Univers Psychotrique. Voilà, je pense qu'il y a un jeu de mots derrière, je sais pas exactement, mais en tout cas c'est un morceau qui dure presque 6 minutes et le groupe Raskaz qui a participé au précédent Mavrika Live, donc le Mavrika Live numéro 15, et un groupe qui est excellent et qu'on aime bien écouter dans l'émission Mavrika. Donc ce soir on va recevoir donc des invités, ils sont déjà dans les studios de Radio Arc-en-Ciel depuis quelques temps, ils écoutent le début. Habituellement c'est des musiciens, mais aujourd'hui il y a quand même des musiciens, il y a quand même au moins un musicien, c'est notre ami Christophe Denacker, donc qui est le guitariste de groupe Prisma. Oui, un aussi, groupe, oui. Un groupe oui. Qu'on connaît bien dans l'émission Mavrika, qu'on diffuse assez régulièrement. Voilà. Un petit peu, grâce à toi, ouais, merci. Ouais. Voilà, donc Christophe, aujourd'hui ouais. t'es venu pour nous parler de Prisma, bien entendu, mais pas que, t'es venu mais aussi pas pour que. Nous, mais principalement pour nous parler de du Cric Forzik. C'est ça. Qui organise régulièrement les Cric Fest qu'on voit voilà pour ceux qui aiment la musique dynamique. Alors c'est pour du rock hard rock metal bon. En fait faut que ça soit musclé mélodique. Voilà, donc c'est ça. Ouais, parce que il y a quand même dans le métal, il y en a certains qui me disent ouais, des fois ça crie, c'est fort et tout ça. C'est ça. Mais toi, tu sélectionnes quand même des groupes qui ont. Moi, j'ai eu l'occasion d'y participer plusieurs fois au Cric Fest, ouais. Pas de problème. Et il y a des musiciens, des chanteurs, des fois qui ont des voix. Waouh. Donc ouais. Voilà, c'est quand même des vrais chanteurs avec des vraies mélodies. Ouais. Et après une musique qui a la pêche et qui envoie du bois, quoi. Comme exactement. On aime bien. très bien. Donc, c'est déjà la cinquième édition qui va bientôt avoir lieu. Ouais, en 2026, ouais. Donc, voilà, petit à petit, moi, j'ai connu les... Tiens, je suis retombé sur une affiche des Creekfest qui avait été imprimée. Je me souviens plus c'était lequel. C'était un des tout premiers. Parce que moi, je conserve pas mal de choses comme ça. Et en fouillant, je suis tombé dessus. Mm-hmm. Et je me suis dit, tiens, voilà, c'est collector. Parce que, au début, c'était, un petit concert, un festival, etc. Et petit à petit, d'année en année, on voit que ça grandit, malgré les difficultés. On sait que les associations et tout ça, ils ont de plus en plus de mal à organiser des concerts. Okay, oui. Mais vous, à chaque fois, bah, vous nous en mettez plein la figure, quoi. Au sens propre ou au sens figuré? Les deux, ouais. C'est-à-dire, on a droit à un nettoyage d'oreilles impeccable, donc exactement. C'est reparti. Donc, on se fait plaisir, c'est le mot d'ordre. Voilà, c'est ça. C'est le mot d'ordre. Et à chaque fois, il y a des groupes, alors il y a des groupes de la région, et il y a aussi des groupes qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est très important, puisque c'est l'essence même, d'ailleurs, de la naissance de ce festival-là, le Creekfest. Donc, voilà. Donc là, t'as démarré directement. Ouais, bah ouais, voilà. On est là pour ça. Pour le Creekfest, donc rapidement, je fais vite fait un petit état des lieux de la naissance de l'asso, quand même. Ouais. Puisque l'asso, ouais. Elle attaque sa sixième année, quand même, mine de rien. D'accord. On a eu la bonne idée de créer ça avec Fred à l'époque, en plein Covid, en fait, hein, de mémoire. Et puis, en fait, pourquoi on a créé cet asso, c'est que on s'est aperçu que, en tant que musicien, on galérait pour trouver des endroits pour se produire dans de bonnes conditions. Et puis, on s'est dit, pourquoi on pourrait pas créer nous-mêmes ce genre d'événement en se faisant plaisir, en ramenant des copains, en faisant jouer des copains. Et puis, on monte une asso. Il y aura forcément des bénévoles qui vont nous filer un petit coup de main. Et puis, en fait, on s'est aperçu que dès la première, il y avait quand même pas mal de monde. Alors, certes, on n'était pas blindé, mais il y a eu quand même pas mal de public, de présents. D'ailleurs, on leur remercie dès la première d'avoir été là. Et puis, effectivement, on donne la chance aussi aux groupes locaux de venir nous rejoindre sur les différentes éditions. Donc voilà, la naissance du Creekfest, c'est ça. C'est sur Cléry, puisque l'asso est basé à Cléry. On a la chance d'être aidé par la mairie de Cléry, qui nous file la salle pas trop cher, voire pas cher du tout. Mmh. Bref, et puis on prend mon matos en son, en lumière, et puis on ramène des potes, qui sont tous bénévoles d'ailleurs dans l'asso. Et puis, on a une chance inouïe, c'est que dès le départ, on est entouré de bénévoles hyper motivés. Ils sont tous à fond. Ça déconne, ça bosse. J'aime pas ce mot, parce qu'en fait, dans l'asso, c'est pas du boulot, c'est du plaisir. C'est du plaisir, c'est une passion. Alors, des fois, c'est épuisant, certes, hein, mais c'est que du bonheur. Notre satisfaction, c'est qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde et que tous ressortent avec la banane en se disant vivement l'année prochaine. Voilà. Et je pense qu'on s'en sort bien parce que deuxième édition, on a vu 80% de la jauge. Et la troisième édition, on a fait venir quand même du gros parce que c'est ce qui nous plaît. Hein. Dans le choix de la programmation, en fait, la notion qui est importante, c'est, comme on l'a dit, musclé, mélodique. Parce qu'on aime bien le rock and roll, voilà. Mais c'est des choses qu'on écoutait quand on était gamin. C'est le style musical, qui nous rappelle énormément de souvenirs. Et puis quand on a appris que Sortilège se reformait, j'ai été les voir avec Fred, avec deux ou trois potes. On était les voir à Paris. Là, on a fait ah ouais, c'est bon là. Il n'y a même pas photo. Et grande surprise, j'ai appelé Zouille, le chanteur de Sortilège, et là il m'a dit mais c'est génial, banco. Et là j'ai fait non, il se fout de ma gueule ou c'est une blague. Et en fait pas du tout, parce qu'il avait compris en fait un petit peu le leitmotiv de l'asso. C'est on se fait plaisir, évidemment on roule pas sur l'or. Hein. Mais ça l'a fait tellement bien fait malheureusement qu'on a refusé du monde. Donc voilà, et puis la quatrième, on s'est dit, trois groupes, c'est un peu court, donc on va faire quatre groupes. Donc dès 2025, Encore une fois, on était sur du local à l'ouverture. Il y avait nos amis que tu diffuses maintenant très souvent, le groupe de Bruno. Et ben voilà. Le groupe de Bruno. Bon, ça me reviendra. Ouais, ça va nous revenir. Mais ça envoie. Je les avais vus à Jargeau et j'ai kiffé. Comment ? Elixir ? Non, Elixir, c'était avec Sortilège. Oh Bruno, si tu m'écoutes, tu vas me haïr, mais alors d'une force. Benzine. Le groupe merci. Benzine, voilà. Merci, bien joué. Heureusement qu'il y en a qui ont de la mémoire. Voilà, le plaisir, c'est de faire jouer les copains. Et puis, évidemment, il y avait Prisma, parce que, Prisma aussi. Voilà, on en profite. Ouais, c'est un groupe que je connais un petit peu, ouais. Ouais, ouais, ils sont un peu chiants, mais bon. Ouais, mais ils on sont les très chers. Quand même, ouais. Ils sont surtout très chers. Ouais. Hors de prix, on va dire. Et puis, on s'est dit, yeah. Donc, quatre groupes. Donc, on a fait venir nos copains de King Crown, parce que King Crown, c'est la suite logique de Nightmare, notamment au niveau du... C'est le même chanteur, hein, c'est Joe. Et j'ai toujours kiffé Nightmare et j'ai jamais pu les voir. Donc voilà, ça a été fait. Et puis notre ami GG de Stratagem et qui ont une longue route dans le rock and roll. Bon, ils sont de Paris. Et puis pareil, on était full. Donc on a passé une excellente soirée. Donc là, Creekfest 5, c'est donc calé le 11 avril. Toujours dans la même salle, hein, Espace Loire, à Cléry-Saint-André. On prend les mêmes et on recommence. Et donc là, on monte encore un petit peu d'un cran. C'est un plaisir totalement personnel, mais j'assume. Tu te fais plaisir à toi, hein, déjà. Oui, mais je pense être suivi. Et d'ailleurs, ça se voit au niveau des ventes, des préventes pour le Creekfest 5. Je pense que le public suit parce qu'on fait venir des Italiens qui s'appellent DGM. Et pour ceux qui connaissent Dream Theater, Opes, enfin tout ce qui est metal prog, voilà, côté progressif à fond, ils vont vraiment aimer et ils connaissent les talentueux DGM et ça va être une tuerie. Et puis juste avant DGM, on aura notre ami Julien avec son groupe Amon Cetis. Ils sont de Chambéry ou Grenoble, enfin bon, Chambéry. En bas de la France. S'il m'entend, il va me casser la gueule. Bref, et eux, pareil, mais avec l'étiquette un peu plus. En fait, Julien kiffe le trip égyptien. D'accord. Donc il mélange des sonorités un peu orientales, ouais. un peu orientales, c'est. Et je rajoute et du visuel très orienté sur l'égyptologie, ouais, tout à fait. D'accord. Donc je pense que franchement on va se régaler. Vite fait quand même, j'ai oublié. Vous me pardonnez s'il vous plaît. Je suis pas venu tout seul, hein. Non, justement, tu vas nous présenter les personnes avec qui tu es venu, parce que c'est les représentants de l'association. Ce soir, en tout cas, dans l'émission, quelques-uns, puisque l'association a grossi, en fait, de petit à petit, d'année en année. On fait de la pub, et puis il y a des gens qui nous disent « Ah, on est un peu timide, mais on aimerait bien vous rejoindre, parce que voilà, s'il y a besoin d'un coup de main pour ci, pour ça, moi j'ai des talents là, voilà, et puis j'adore ce que vous faites, et puis... Voilà, et bon, après, il y a des gens qu'on connaît depuis très longtemps aussi. Et donc, à ma gauche, mais vous ne voyez pas, puisque c'est une radio. D'accord, mais on imagine, voilà, à gauche. Ouais, mais voilà. Je dis tout, moi. Vous mettez devant les enceintes, là, voilà. Ouais, voilà. Et c'est l'enceinte de gauche, voilà. C'est ça. On a le droit de parler gauche-droite en ce moment. À partir du moment où c'est pas politique. C'est pour ça qu'il dit ça. Oui, j'avais très bien compris. Non, mais après, il faut donner autant de temps de parole à l'un que l'autre. Hein. Donc, à gauche comme à droite. Voilà, donc c'est bon. Il y a même... Et il y a le même. Je l'ai pas fait exprès. D'accord, il n'y a pas d'extrême gauche, mais il y a l'extrême droite. D'accord. Ok. Au niveau de la position dans le studio. Oui, hein, tout à fait. Non, pas de ça chez nous. Hein. Non. Donc, à ma gauche, MP. Reprends tes esprits. MP qui vient de nous rejoindre. Hein. C'est très récent avec ton épouse. Ça date de. Il y a 5 mois, à peu près, 5-6 mois. Voilà, il va proposer MP son expérience dans tout ce qui est la communication. D'accord. Puisqu'il excelle à ce niveau-là, puisqu'il a créé son son propre webzine, qui a atteint un nombre de, d'abonnés, de followers assez impressionnant. T'es à 30 000, hein, je crois. Je suis à environ 30 000 par mois. Ouais, ah, voilà, ouais, quand même. Super, c'est bien. Donc, forcément, pour tous nos événements, bah, il va nous apporter un souffle supplémentaire. Genre tempête qu'on vient d'avoir, tu vois, ça va souffler tout ça. Voilà. Je me fais le relais de, des événements. De, bah, il faut en parler de toute façon, que ce soit en radio, que ce soit sur Webzine, que ce soit dans la presse. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer et attirer du monde. Voilà, c'est vrai qu'à une époque, il y avait quelques radios, donc si on passait à la radio, tout le monde nous écoutait. Aujourd'hui, il y a tellement de manières de diffuser les informations que finalement, il faut être un peu partout. Il faut être sur les réseaux sociaux, il faut être sur Internet, il faut être sur les radios aussi. Hein. Les radios continuent à faire leur travail. Et puis, même les télévisions, hein, si vous avez l'occasion de passer, bah, il faut essayer de toucher au maximum. Exact. Et puis après, il y a toujours la publicité papier, il y a toujours ces trucs-là. Donc, il faut essayer d'en parler au maximum. Et puis après, étant donné qu'il y a des gens qui nous écoutent, il faut que les gens qui nous écoutent en parlent à d'autres personnes, de manière à ce qu'il y ait le maximum. Ouais, parce que ça marche depuis l'Antiquité, depuis la préhistoire, même, je dirais. Et il faut continuer à le dire. Donc vous avez réussi quand même à fédérer toute une équipe passionnée de musique. Plus ça va, plus il y a de monde. Vous refusez des gens dans la salle, donc ça c'est quelque chose de formidable. Moi j'aime bien aller dans des concerts où on a refusé du monde. Ça veut dire que vraiment, c'est un petit peu dommage pour ceux qui sont restés à la porte. Mais quand je vais dans des salles où des fois je vois qu'il manque du monde, hein, ça arrive malheureusement trop souvent. On est un petit peu déçu, donc on est vraiment content qu'on arrive à un concert où il y a du monde et que tout le monde est content et qu'ils ont la banane. Hein, c'est vrai que ça c'est immense. Tu pleures. Oui. C'est des moments d'émotion. Toi qui organises ce festival depuis pas mal de temps, quand tu arrives à la fin et que tu vois que tu as réussi à le faire, tu dis voilà. Les retours dans la semaine qui suivent, dans les réseaux sociaux et tout ça, les discussions entre potes, c'est énorme. Et ça n'a pas de prix. Je voudrais rajouter une chose, puisqu'on parle des gens qui sont restés à la porte. Faut pas oublier un détail qui est super important, c'est qu'il y a des préventes. Les gens qui sont restés à la porte, ce sont ceux qui n'ont pas acheté leur place avant. Et quand on a effectivement des groupes comme King Crown ou comme Sortilège qui viennent, c'est peut-être plus prudent d'aller sur le site de l'association dont on a certainement parlé tout à l'heure pour acheter sa place en avance et avoir la garantie de pouvoir mettre les deux pieds dans la salle. C'est ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc le mieux, c'est de réserver à l'avance, comme ça. C'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour le fan qui veut absolument venir. Au moins, il est sûr d'avoir sa place. Et puis, c'est bien pour nous parce que, bon, ça commence à aller mieux, mais au tout départ, la trésorerie, elle était à zéro, quoi. Et il y a énormément de frais à avancer avant l'événement. La SACEM, la moitié des artistes, bref. Et on a besoin de trésorerie grâce à la prévente, quoi. Donc, malheureusement, j'ai interrogé pas mal maintenant c'est devenu des copains, d'organisateurs. Et malheureusement, depuis le Covid, c'est une tendance qui a énormément grossi. En gros, 80% du public va acheter sa prévente 15 jours avant l'événement. 15 jours. D'accord. Ils attendent. Ça fait peur, parce que tu peux rien prévoir. Tu te dis, par exemple, allez, au hasard, la bouffe. La bouffe, si d'habitude, tu prévois 200 baguettes. C'est un exemple. Voilà. Et puis que tu vois que t'as pas de prévente, tu vas te dire, je vais peut-être pas prendre 200 baguettes. Je vais en prendre 20. Et puis, au dernier moment. Et vous avez plus que 15 jours pour vous retourner. Donc c'est ça le truc. Ouais. Exactement. Donc voilà. Après, je finis les présentations rapides. Ouais, tout à fait. Comme ça, ça va en libérer certains. parce qu'ils ont envie de parler. On attend qu'on les présente pour parler, justement. Alors, j'ai pas du tout été galant. Je vais commencer maintenant par toi, Sandra. Oui. Sandra, dit chatounette. J'adore ce petit nom. D'accord. Voilà. Miaou, miaou. Sandra, on se connaît depuis pas mal de temps par l'intermédiaire d'un ami commun qui est d'ailleurs le Squall, Pascal Aubry, qu'il nous écoute d'ailleurs, dans le monde des bikers et tout ça, puisque Sandra est quand même présidente d'une asso de moto. C'est ça. Oui, c'est voilà. Ouais, ça va bien avec hein, le rock'n'roll et les motos. Ça a toujours été quelque chose. Bien sûr. Il y a d'ailleurs une chanson de Prisma qui en parle un petit peu. Oui, oui, Biker, entre autres. Oui. Et puis voilà, on se marre bien. Voilà, quand on est tous ensemble. Et puis j'aime bien quand Sandra gère la billetterie parce qu'elle est. C'est carré. Ouais. Voilà, on revient pas dessus. Donc, ouais. Ça c'est important. Donc voilà, et puis sa joie de vivre, donc tout va bien. Et puis voilà. La bonne ambiance, être bénévole, c'est génial, quoi. C'est moi, c'est ce que je recherchais en plus. Ouais. Donc voilà, c'est un petit, un petit milieu où on se fait nos petites cocons avec tous les potes, et puis voilà, quoi. C'est une bonne ambiance, une bonne humeur, et puis il faut que ça continue, quoi. Ouais, il faut absolument que ça continue, justement. Bien sûr. Et on aimerait bien que les futures générations viennent aussi de plus en plus, parce que c'est vrai que des fois, on a un petit peu de doute en se disant, voilà, est-ce que il y a de moins en moins de bénévoles, il y a de moins en moins d'associations. Je dis, il faudrait quand même que ça continue de vivre, parce que s'il n'y a pas les associations et tout ça, au bout d'un moment, on va se plaindre et dire, voilà, avant, il y avait des concerts, maintenant, il n'y en a plus. Mmh. Bah ouais, mais quand il y en a, il faut y aller. Bah, bien sûr. Parce que sinon, un jour, il n'y en aura plus, effectivement. Surtout les petits concerts, les concerts locaux. Il y a plein de choses qui se passent. Oui. Les gros concerts, on voit trop souvent des gros concerts qui sont dont toutes les places sont vendues en un clin d'œil. Ouais, c'est clair. Mais allez voir les petites salles. Allez, il y en a plein partout. Et, et dans notre région, qui plus est, il y a des salles qui sont absolument fabuleuses. Taille humaine, et il y en a plein. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont beaucoup de talent, même s'ils ne sont pas connus, bien etc. Sûr. Et il ne faut pas oublier une chose que je dis assez régulièrement dans l'émission Maverica, c'est que tous les grands groupes internationaux ont commencé par être des petits groupes locaux. Bien sûr. Donc il faut encourager les groupes locaux, peut-être parmi les groupes que nous recevons dans l'émission Maverica et que vous pouvez voir aussi en concert dans les petits endroits. Eh ben, un jour, peut-être, seront des grands artistes internationaux. Donc, c'est vraiment important d'aller les encourager, quoi. Bien sûr. Et en plus de ça, il y a toujours l'avantage dans les petites salles. On peut les rencontrer. On peut discuter avec eux. Ça, c'est important. Et ce sont des moments magiques qu'on garde pour nous toute notre vie. Exactement. C'est vrai. Moi, perso, niveau sortilège, quoi. Entre autres. C'était ouf. Un truc de fou, quoi. Ouais. Donc voilà, et puis évidemment, mon ami depuis pas mal de temps aussi, mais pour raison professionnelle, j'ai la chance de bosser avec lui, notre ami Nico, voilà, qui est vraiment une personne formidable, parce que toujours prête à nous filer un coup de main pour quoi que ce soit, que ça soit de la manute, que ça soit évidemment de l'électricité. Sinon, ça serait compliqué, bref. Mais ça peut être aussi de la pâtisserie, ça peut être des idées, évidemment. Beaucoup d'idées, Nico. Et puis, en plus, nouvellement nommé secrétaire de l'asso. Voilà. D'accord. Bravo. Allez, Nico. Félicitations. Merci bien. Voilà. Bah, je lui laisse la parole. Très bien, donc. C'est la première fois, donc c'est pas simple. Moi, ça fait depuis le début du Cricfest, tout premier, que j'ai commencé en tant que bénévole, où j'ai suivi Chris qui m'a parlé de ça et puis je suis rentré dedans directement. Pas dans Chris, hein. Non, on n'a rien entendu là. Non, il est rentré dans la... Nico, je te donne tout tes... On les a perdus. Oh, pardon. J'avais dit qu'il y aurait une bonne humeur. Hein. Vous voyez sourire. Donc déjà, on voit qu'il y a une bonne entente dans l'association. Ça, c'est important, ça. Bah, c'est clair. Ça, il faut, oui. C'est ça. Donc, tu rentrais dans l'association. Ça fait combien de temps déjà 5 ans. 5 ans, depuis pratiquement le début, voilà. Oui, depuis le début. Et donc aujourd'hui secrétaire, donc tu es rentré dans le conseil, donc ça c'est quelque chose d'important, parce que il y a des gens comme ça qui donnent un coup de main, mais finalement ils font jamais partie vraiment du conseil ou du bureau. Et il y en a certains qui veulent s'impliquer de plus en plus et qui amènent pas mal de choses. Donc c'est le cas de Nico. C'est le cas de Nico. Tout à fait. Très bien. Et puis il a un autre rôle qui est important. Et on en a besoin. Il y a le public, il faut qu'il vienne, on vient de le dire. Le public, ça, c'est primordial, ça. Il y a aussi les partenaires. Alors, ça peut être des partenaires financiers, voilà, qui nous aident financièrement, petite somme, moyenne somme, peu importe. Et puis il y a aussi les partenaires institutionnels, ceux qui vont nous prêter du matos, ceux qui vont nous aider à payer une partie de la com, des choses comme ça. Voilà. Et ça, c'est le rôle de Nico, voilà, de faire des prospects, balancer des mails, relancer, et puis le contact entre l'asso et le partenaire, c'est grâce à Nico. Voilà. D'accord, ça c'est important parce que effectivement, voilà, et les concerts comme ça coûte de l'argent. Les artistes, c'est pareil, vous rémunérez les artistes. Bah, oui. Donc voilà, donc il y a tous ces trucs là qui font que bah ça coûte de l'argent, et puis les gens qui travaillent tout ça, et le matériel encore, vous avez de la chance parce que c'est le vôtre. Vous avez aussi une partie que vous louez. Voilà, donc voilà tous ces trucs là. Et après, il faut pas oublier qu'une association aussi, quand on organise quelque chose comme ça, il y a aussi des assurances, il y a aussi la SACEM, il y a aussi tous ces trucs là à payer. Hein, voilà, il y a donc il faut être carré. Vous êtes super carré. Vous êtes bien organisé. On tout essaye ça. De l'être. C'est ça. Non, parce que des fois, il peut y avoir des choses qui sont organisées comme ça. Non, vous faites très attention. Donc, tout est déclaré, tout est fait comme il faut. C'est donc, ça. Effectivement, ça coûte de l'argent. Donc, ouais. Si cet argent-là, vous ne l'avez pas à disposition, vous pouvez, par exemple, du jour au lendemain, ne pas pouvoir organiser le suivant. Donc, c'est ça. Vous vivez au jour le jour, quoi, finalement. Voilà. Alors, à chaque événement, vous prévoyez pour le c'est suivant. C'est ça. Bon, en fait, il y a deux choses. Il y a déjà effectivement le risque financier de pas remplir. Donc ça, bah, j'en prends l'entière responsabilité, puisque le taux de remplissage est quand même lié à la programmation. Évident. Donc bah voilà, si malheureusement dans mon choix personnel, par exemple au hasard cette année pour DGM, même si maintenant j'y crois dur comme fer, donc pas de problème. Mais on prend toujours un risque financier, parce que on n'a pas minimum 100 personnes qui vont venir, il y aura quasiment, il y aura beaucoup plus de frais que de recettes. Donc c'est un risque. Alors des fois il y a des choses qui compensent. Là on a fait une série de concerts où Nico était conducteur. Quand je vous dis que c'est un homme à tout faire, c'était notre chauffeur qui nous a paumé en pleine nuit, mais ça c'est un autre problème. On n'y en veut pas, c'était 3h du matin, on savait pas où on allait. Bref, mais voilà, on prend toujours un risque, et je m'en voudrais pour deux raisons. Déjà, je me suis planté, donc il faut que j'assume. Mais aussi, je me suis planté vis-à-vis de tous les bénévoles qui ont qu'une envie, c'est de s'éclater et puis que ça tourne, quoi. Voilà. Et le deuxième aspect, celui-là, il est anecdotique, mais sympa, c'est que maintenant, j'ai pris l'habitude depuis 3 ans, même 4 ans maintenant. Je sais à peu près où on en est à quasiment la fin du festival, d'accord ? Et donc, quand je prends le micro à la fin, pour remercier tout le monde, nos partenaires et compagnie, j'ai déjà la tendance pour savoir s'il y aura assez pour repartir sur une autre édition. Et l'année dernière, je l'ai annoncé à la fin du festival, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, j'espère pouvoir renouveler ça à chaque fois. Ça serait bien. Voilà, à chaque fois, c'est une remise en cause, hein, c'est quelque chose d'important. Hein. Tout à fait. Donc, parce que, effectivement, si au bout d'un moment, les gens ils viennent pas, c'est pas le cas pour l'instant, à chaque fois, c'est chaque édition. Pour l'instant, ça suit. Mais... On sait jamais, hein, si jamais, par exemple, un jour, tu te plantes, tu invites un groupe que personne n'a envie d'aller voir, par exemple, on imagine. Par exemple, ça peut arriver. Bon, ça serait con. Ça serait dommage, mais ça peut arriver. Et puis là, tout d'un coup, vous perdez plus d'argent que vous en gagnez, parce que vous investissez énormément d'argent. Et là, après, ça remet en cause justement l'événement suivant. C'est ça. Donc à chaque fois, comme tu expliquais, c'est un risque, c'est un peu la loterie. Mais bon, comme vous commencez à avoir un petit peu d'expérience, vous avez à chaque fois des bons groupes. Gens, au bout d'un moment, ils se disent, le Creekfest, on va toujours... Ou alors on connaît les groupes et on sait qu'ils sont bons, ou alors si on les connaît pas, on leur fait confiance parce qu'à chaque fois ils nous sélectionnent des bons groupes. Voilà. Alors on a énormément de super retours que les gens viennent sans connaître forcément les groupes, d'accord, mais ils passent tellement un merveilleux moment qu'ils signent dans la foulée. Il y a une personne là, ça fait 4 ans de suite, où elle achète la place dès qu'elle est mise en vente parce qu'il se fout des groupes. En gros, il vous fait confiance entièrement. Il veut passer un bon moment avec nous tous. Voilà. Et il y a ça, il y a la bouffe, il y a le style musical, il y a la qualité du son. elle est importante, hein, voilà. Mais il y a aussi la bouffe. On essaye quand même de faire quelque chose de bien. C'est des sandwichs frais qui sont faits le jour même avec des produits locaux. Il y a des artisans qui viennent exposer leurs œuvres, leurs produits. Voilà, on fait tout pour que le public puisse passer un très très bon moment et qu'il garde en tête un super souvenir. Voilà. Donc après, on peut, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au niveau de la scène, il y a du bon son, comme tu as dit. Ouais. Il y a aussi les lumières. Ah, c'est un vrai spectacle. Hein, donc, moi, j'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs occasions. Ouais. Et à chaque fois, c'est que du bonheur. Et c'est vrai que moi, je suis pas spécialiste dans ce style de musique. Mm-hmm. J'aime bien, mais je connais des noms comme ça sans des fois pouvoir mettre de noms justement sur certaines musiques. Et quand j'y vais, à chaque fois, c'est que du bonheur. C'est bien fait, c'est bien. Il y a un bon spectacle, on est dedans. Et puis, comme je dis souvent, il faut aller au concert. Pourquoi ? Parce que écouter de la musique chez soi ou à la radio, c'est très bien. Ouais. En CD, c'est très bien. Mais aller au concert, vous allez voir, il y a des gens qui sont là, des sourires. Alors là, en plus, là, tu m'amènes l'équipe, et c'est vrai que c'est pas des visages inconnus. C'est des gens que j'ai déjà vus dans les concerts. Donc ça fait plaisir. Et au bout d'un moment, on voit des gens, on les revoit. Tiens, c'est le cas pour Didier. Combien de fois je l'ai vu dans des concerts ? Et un jour, on a commencé à discuter ensemble, et puis aujourd'hui, il est là. Voilà, ça, il fait partie des pas, et beaucoup parce de gens. Il t'entend pas, Didier. Oui, c'est vrai qu'il est en train de. Les gros yeux. Et si tu regardes bien, Chris, je te connais depuis pas mal de temps, c'est pareil, c'est grâce au concert et tout ça. C'est parce qu'on a la même passion, et forcément, là, vous allez rencontrer, si vous êtes passionné de ça, vous allez rencontrer des gens qui sont comme vous. Ben, et vous allez vous entendre bien du premier coup. Exactement. Donc, c'est aussi le partage, c'est l'amitié, c'est des bons moments, quoi. Et des bons souvenirs que vous allez vous fabriquer à chaque fois que vous allez à un concert. Ça, c'est très important. Exact. Comme ça, quand vous serez vieux, vous direz voilà, c'était le bon temps, et puis voilà, plein de souvenirs vont revenir, et on l'a fait, ça c'est important aussi. Je rajouterais aussi qu'il y a le lieu, parce que Cléry-Saint-André, c'est pas très très loin d'Orléans, mais on est en pleine campagne, on est dans un endroit super paisible. Il suffit de sortir de la salle si on a trop chaud, on est dans un coin qui est vraiment super top. Exactement. Et pour l'instant, à chaque fois, le Cricfest, au mois d'avril, pourtant c'est avril, hein, à chaque fois, on a un beau temps. En tout cas, il pleut pas. Bon, il fait pas, mais il fait doux. On est bien. Donc voilà. Donc ce que je te propose, Albino, si tu veux bien. Parce qu'on papote, et on n'a pas encore envie de musique. Hein, exactement. Donc pour l'anecdote, le premier groupe que tu vas passer, ce sont en fait des bénévoles. D'accord. C'est des jeunes qui nous aident maintenant depuis tout 3-4 ans. Et donc, ils sont hyper talentueux. Bon, plus en musique, par exemple, je sais que le batteur, je crois qu'il joue du cor dans l'harmonie. D'accord. Voilà. Donc, ouais. Mais il est bourré de talent à la batterie. Le guitariste, il bosse avec Romain de Orpheum Black, par exemple. Orpheum Black, ouais. Donc il a quand même. Clément, ouais. Voilà, c'est un bon prof qu'il a avec lui. D'accord. Et ouais, bah oui. Franchement, ils assurent. J'ai eu la chance parce que c'est aussi un des axes de l'asso. Vu que j'ai monté un petit studio d'enregistrement sympa à la maison, j'ai eu la chance de les enregistrer. D'accord. Voilà. Mmh. Et quand j'ai entendu ce qu'ils proposaient, j'ai fait « Oh, là, je pense que sur un des Cricfest, ils seront de la partie. » Ça sera le cas, donc, là, le 11 avril, on aura donc Épitude, le groupe Épitude, et ce sont donc les quatre Zikos, ce sont des bénévoles de l'asso. Voilà. D'accord, bah super, très bien. Ah bah, c'est excellent. Quand je disais que justement, quand on va dans des endroits comme ça, on tombe sur des gens qui ont la même passion, donc forcément, bah, on trouve des musiciens aussi. Hein. C'est ça. Souvent dans les associations qui organisent des festivals, il y a aussi des gens qui font eux-mêmes de la musique, et c'est le cas donc, pour ce groupe-là. Voilà. Tout à fait. Voilà. On écoute tout de suite ? C'est parti. retour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, on papote beaucoup. On a envoyé qu'un seul morceau pour l'instant. Ouais, non, il va falloir qu'on envoie parce que tu nous as. Il y en a 58, hein, donc. Ouais, il y a 58 morceaux à écouter. Mais tu m'as dit 22h le samedi soir, c'est ça? L'émission. Oui, c'est ça. Là, on va rester. C'est-à-dire que les animateurs de l'émission demain, ben, c'est pas peine qu'ils viennent parce que nous, on garde l'antenne. Non, non, je plaisante, je plaisante. Imagine, demain, il n'y a personne. Non, tu sors. Je plaisante, je plaisante. Bien entendu, ils ont leur place, hein, comme tout le monde. Évidemment. Et on va remercier Radio Arc-en-Ciel de nous permettre de faire cette émission depuis bientôt 16 ans. Hein. Ah, 16. 669 émissions. Voilà. Donc, alors d'ailleurs, elle est très très bonne celle-là, puisque je t'avais proposé de venir t'accompagner pour la 666. Voilà. Et manque de bol, je ne me rappelais pas que j'avais calé l'AG de l'assaut. Et j'avais essayé de le décaler. Je me suis dit, bon, à une journée près, on va essayer de faire une émission comment on va se débrouiller, c'est tout ça. Ça. Voilà. Et après, et tu m'as dit, ah, ça tombe mal, c'est, oui, ça pouvait pas tomber plus mal, c'était l'Assemblée Générale du CRIC Forzic. Exactement. Voilà. Mais j'aime bien le 669 pour deux raisons. Ouais, parce que. 666, donc les 6 du rock'n'roll. Et le 9, il est l'envers. Et le 9 pour le sexe. Alors sinon. D'accord, ok. Oui, il y a le 69, oui, effectivement, tout à fait. Un petit clin d'œil à. C'était un petit clin d'œil à Gainsbourg, voilà. C'est ça. Bah écoute. Très bien, 69. Gainsbourg parlait de l'année. Ouais, de l'année. Là, c'est pas l'année, mais c'est le numéro de l'émission. Voilà. C'est le numéro de l'émission. 669, et puis c'est 666, et hop, le dernier fait un petit tour. Alors voilà. Voilà. Et en plus, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure en antenne. Du coup, je me suis retrouvé, je me suis dit, j'avais réservé cette date-là pour le groupe Prisma et pour le CRIC Forzic, par exemple. Exactement. Et là, ça tombait mal. J'ai dit, non, ils sont pas disponibles. Comment on va pouvoir faire? Et on était en train de discuter ici, justement, en disant, la semaine prochaine. Et on avait un coup de téléphone de Victorien du groupe Skydroll. Et je me suis dit, attends, Skydroll, leur univers, il est pas mal. Ça colle pas tout à fait par rapport à 666. Et eux, en plus, leur univers, c'est vraiment les comics de films, de trucs d'horreur, quoi. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous faites la semaine prochaine? Et hop, ils sont venus donc pour la 666. Voilà. On arrive toujours à se débrouiller. Revenons à nous et à Craig Forzic. Ouais, parce que Craig Forzic, ça c'est important. Donc, surtout qu'on a plein de choses à dire et surtout qu'on papote beaucoup. Et puis, on a pas mal de musique aussi à envoyer. Tu l'annonces l'exclu là qui va arriver ou pas? C'est une exclu. Le prochain morceau? Oui. Ah oui, si tu veux. Hein, moi, je voulais te laisser la parole. C'était pour te faire plaisir, Albino. Alors, ne dis pas non, s'il te plaît. Et aussi donc, pour les auditeurs. Alors, évidemment. C'est une exclusivité mondiale, comme ça. Oui, non. En même temps, non. Non, faut pas abuser non plus. Parce que je cherchais un titre de Prisma que. Qu'on n'a pas diffusé encore. Voilà, parce que t'as pas le CD. Et donc là, c'est un extrait du CRIC Fest. Du CRIC Fest. Donc enregistré en live. Mais le titre de la chanson est parfaitement en lien avec le numéro d'émission et avec la raison pour laquelle tu aimes cette émission. Tout à fait. Ce numéro, c'est bien amené. Après toi, Albino. Donc, c'est la version live CRIC Fest numéro 3 de Guilty of Love. Yes. Voilà. Sur la 669e émission. Sur la 669e émission. Parce que effectivement, dans l'émission Mavericka, on a la possibilité de jouer en live aussi. Donc il y a des lives qui ont été enregistrés. Donc les gens jouent dans le studio, on les enregistre et on met le numéro de l'émission. Voilà. Et là, exceptionnellement, c'est le numéro de l'édition du CRIC Fest numéro 3. Donc c'est un morceau en live du groupe Prisma. Donc comment ça a été fait? Ça a été capturé sur la console. Ça a été remixé, retouché derrière. Console plus vidéo avec un mix des deux. Voilà. Ah, d'accord. Donc, avec les pains, avec on s'en fout, c'est du live. Hein, c'est du live. Hein. Le live, ça fait partie. Bah, justement. Il n'y a pas d'IA. Et puis, c'est pas des séquenceurs, c'est un vrai batteur qui est là. Bonjour Ben. il va être content, monsieur. Je confirme, c'est un vrai. C'est un vrai. Donc, il joue vraiment en direct live. C'est sur le ressenti, sur le moment, quoi. C'est vraiment. Il respire à fond sur sa batterie, il n'y a pas de souci. aussi. Hein. Il y a la sueur, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. C'est un vrai batteur. Très bien. Bah, qu'est-ce qu'il est bon. Oui, d'ailleurs, c'est un batteur qui est venu déjà avec plusieurs projets différents parce qu'il a participé à pas mal de projets. Donc, tu nous as présenté Ben, mais tu vas aussi nous présenter les autres. De Prisma, oui, bien sûr. Donc, il y a Fred à la basse. Fred à la basse. Voilà, s'il nous écoute, je pense que oui. Il y a donc Phil au chant. Oui. Et puis donc un petit nouveau, on va dire, puisque Gilou, notre ancien claviériste, a décidé de s'occuper un petit peu plus de sa famille et on le comprend. Voilà, on a eu la chance immense de rencontrer Lionel Dio, qui est un super type, déjà hyper sympa et très talentueux. Donc on a hâte d'enregistrer les nouvelles compos avec lui pour le futur album, mais c'est lui qui sera évidemment sur scène au Creekfest 5, évidemment. Très bien, on écoute tout de suite. Ah yes. Allez hop, on va donner envie aux gens d'aller au concert. Écoutez, c'est l'ambiance. Est-ce qu'on ressent l'ambiance vraiment sur l'enregistrement? Parce que des fois, c'est pas toujours évident. Hein. C'est possible. C'est possible. Très bien, on écoute tout de suite. Un jour d'amour, qu'il soit charnel ou platonique. Ça s'appelle Guilty of Love. voilà, c'est l'ambiance des concerts, hein, franchement. Là, oui, oh, peut-être un casque qui était passé trop près d'un micro, c'est pas bien grave. Non, mais c'est l'effet live, des fois aussi dans les lives. Exact. Voilà. Mais t'as vu, à la fin, on entendait bien la captation du public. Ouais, tout à fait. C'est vrai que des fois, il y a dans les lives, on capture ce qu'il y a sur la scène et il manque un petit peu. Et c'est vrai que des fois, il faut aussi avoir des micros d'ambiance ou alors des fois. C'était le cas. Donc c'était le cas. Donc comme ça, on est vraiment dans l'ambiance du spectacle parce que quand on est dans le spectacle, on est dans le public et on entend les gens autour de nous. Il y a les bruits, il y a les odeurs, il y a les. À ce titre d'ailleurs, si vous venez au Kriegsfest 5, vu que c'est dans une salle, qu'il y a les odeurs. Il y a des odeurs. Les micros d'ambiance. Donc, il n'est pas impossible que Prisma, un jour, suite à ce que tu viens de me dire, MP, capte de quoi faire un live. Voilà. D'accord. Et donc, vous aurez la chance, en venant au Kriegsfest, de reconnaître votre voix sur l'album. Voilà. Mais il faudra crier fort. Hein. Très fort. Voilà. Comme ça, dans les prochains albums, le gars dit à la fin, c'est moi qui interviens là, c'est bon. Ça me rappelle aussi un souvenir. Une fois, j'avais participé à un enregistrement d'un album. C'était avec le groupe Mandrake, un groupe qui n'existe plus aujourd'hui. Ouais. Et au début, il fallait jouer. Il y avait un bâton de pluie, donc il fallait le retourner et ça faisait le bruit. Et là-dessus, il démarrait. Et à la fin, il fallait le remettre. Ouais. Et donc, moi, c'est moi qui jouais qui faisait du bâton de pluie. D'accord. Donc j'étais dans l'enregistrement à la fin. Ouais. Et à la fin, ils ont joué tout ça. Et à la fin, je devais le refaire. Et moi, j'étais plus dans le truc. Donc ils ont fait un couplet de plus. Ah, exprès pour que tu fasses ton bâton de pluie. Pour que je fasse le truc avec le bâton de pluie. Donc d'accord. L'enregistrement final était comme ça. D'accord. Mais donc, tu sais que bâton de pluie, on en parle dans Guilty of Love. D'accord. Mais ça n'a rien à voir avec l'instrument. Bon, bref, on y va. D'accord. Ok. Donc on va continuer à. Oui, s'il te plaît. Restons sérieux. Alors, on va rappeler la date du prochain concert. Donc Du Kriegsfest 5, c'est donc le 11 avril. 11 avril. Ouverture des portes 18h30. Mm-hmm. Voilà. Il y aura 4 groupes. Il y a tout ce qu'il faut pour boire, pour manger, pour s'éclater, pour passer un bon moment. La billetterie est en ligne sur notre page Facebook de Krieg for Zik. Mm-hmm. Vous tapez tout simplement. Kriegsfest 5, même tout simplement sur Google, j'ai encore testé cet après-midi, ça vous emmène directement sur la page, sur l'événement Facebook, et sur l'événement Facebook, il y a le lien direct avec nos amis de Yapla. Je fais un petit peu de pub, mais tant pis, on s'en fout. On est entre nous, hein, et personne qui écoute. Il y a personne qui écoute. En même temps, c'est un truc qui est public, donc voilà. Oui, exactement. Et donc, allez-y, foncez, parce que j'ai regardé encore tout à l'heure. Voilà, ça doucement, mais sûrement. Voilà. En tout cas, on fait mieux que l'année dernière, à la même époque. Je dis ça, je dis rien. Et la jauge est à 350. Hein. Oui, donc on pourra pas pousser les murs. Ah non, ça c'est. Sinon après, il va falloir faire ça en plein air, hein, dans les prochains, peut-être. On va peut-être en parler, je crois. D'accord. Hein. Enfin, si on a du temps, parce que. Oui, on va essayer de faire vite. Donc on a écouté déjà deux morceaux. Tu nous as déjà dit pas mal de choses. Ouais. Et je me souviens aussi d'une chose. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'une affiche que j'ai retrouvée. Et je me souviens que cette affiche-là, c'était pas encore le Kriegsfest. Tu te souviens comment ça s'appelait au départ? Ah, alors là, tu m'embouches un coin. Bah, la toute première, dès la première, ça s'appelait Kriegsfest. Mais encore avant, t'avais dû changer de nom, si. Oula. Ouais, ça me revient pas, mais je pensais que j'allais te souffler le truc. Tu mets le doute, là. Oui, parce que, effectivement, avant, il y avait un autre nom, je me souviens plus. Alors, le tout premier, en fait, je me rappelle des groupes. Et moi, j'ai l'affiche. Bah, moi aussi, mais. On est bien, là. Avec, voilà. avec les deux gars qui se souviennent plus. C'est vachement intéressant de parler de choses dont on ne se souvient pas. C'est pas vieux, quoi. Ouais, mais c'était les prémices. Donc, effectivement, le Kriegsfest, il y en a eu 5, mais au début, ça sera le cinquième. Mais je me souviens qu'il y avait un autre nom et que tu avais été obligé de le changer parce qu'il était déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Ah non, tu confonds à l'époque des Aaron Troopers avec le premier festival qui a eu le Troopers Fest. D'accord, ok. Voilà, peut-être ça aussi. Bah, parce que moi, j'ai pas notion dès le début. Non, non, le Creekfest, c'est bien vous, ouais. Mais je crois qu'il y avait non, mais bon. Après, peut-être Trooperfest, mais ça existe. Ah non, non, avec Arnaud, on avait été emmerdé. D'accord. Parce qu'on l'avait, on commençait à communiquer sur le tout premier, hein. D'accord. Ok. Alors j'ai peut-être confondu, ouais, c'est possible. Hein. Donc, on s'appelait justement le, je sais plus, enfin, Fest quelque chose. Ouais. Et quelqu'un qui avait écrit à Arnaud en disant, les gars, copyright là-dessus, vous dégagez ça, sinon d'accord. Ça va pas le donc, faire. Donc le Creekfest, c'est à vous. Donc, bien avant de communiquer sur le Creekfest, évidemment, je me suis renseigné, grâce à Google et compagnie. Mm-hmm. Pour vérifier qu'il n'y ait pas déjà un festival qui s'appelle comme ça. Mmh. Voilà, tout et simplement. Puis le Creekfest, c'est un petit clin d'œil à quoi exactement ? À Creek for Zik. Ouais, Creek for Zik. Voilà. Et Creek, c'est Creek. Bah Creek. Ah ouais, ouais. J'ai oublié d'en parler. En fait, quand vous regardez le logo, pour ceux qui connaissent, mais vous, je vous invite à aller le découvrir. Ouais, d'ailleurs, il est dans l'affiche aussi que j'ai préparée. Voilà. Alors exactement. Le Creek, et vous reconnaissez quelque chose que vous avez. Creek, tout le monde a eu un Creek dans sa Renault 5. Dans sa voiture. Non, pardon. Dans les marques. Allez, vas-y. Et puis, il n'y en a même plus aujourd'hui dans les nouvelles voitures. Non, maintenant, c'est des roues de secours, mais ça s'appelait. Même pas, c'est des bombes. Une nation qui s'appelle roues de secours. Ouais, c'est des bombes, des bombes. Ça sonne moins. Bon, bref. Et voilà, le Creek, bah, c'est pour aider. En fait, c'est l'outil, l'asso, c'est l'outil pour permettre d'élever un peu plus haut les groupes locaux, les groupes de musique locaux. Voilà. Donc, Creek for Zik. En plus, je trouvais que ça sonnait bien. Et puis voilà, moi, j'aime bien le logo. On comprend tout de suite. Voilà, tout simplement. Non, tu comprends pas. Elle a rien compris. Sandra, elle arrive. Non, elle vient de découvrir. Si, maintenant, je comprends. Maintenant, oui. Au début, non. Je comprenais pas. Ah, pardon. D'accord. Je suis blonde. Donc, voilà. Non, mais c'est bien. Ouais, mais c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai que des fois, on fait pas le lien, forcément. Bah ouais, c'est vrai que le logo, on voit des losanges, tout ça. Ouais. Et effectivement, quand on regarde, bah oui, c'est un Creek. Voilà, c'est un Creek pour élever les groupes à un niveau supérieur. Voilà, on va dire ça comme ouais, ça. Voilà. Très bien. Sympa. Voilà. Allez, on écoute le troisième groupe qui devrait jouer au groupe Fest 5. D'accord, alors le troisième groupe s'appelle Amon Cetis. Exactement. Voilà. Et puis bah, tu pourras enchaîner avec le quatrième, hein, si tu veux bien. On fait comme ça. Voilà, ça me permettra d'aller. D'accord, on fait une petite pause musicale, on envoie deux morceaux à la suite. Oui. Donc Amon Cetis avec At the Threshold of Dawn. J'espère que j'ai bien dit. Je pense. Sinon, Julien va m'appeler, t'inquiète pas. Doom, voilà. Doom ou pas Doom. Ouais, parce que moi, en anglais, j'ai plutôt l'accent, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai l'accent du nord de Munich. Moi. C'est plutôt, c'est pas le bon pays. Ah bon, mince. D'accord. C'est pour ça. Et puis, juste après, ça sera DGM avec Reason. C'est ça, hein. Oui. Ah oui, ça, c'est sûr. Et je l'ai bien dit, en plus. Attends, je vais le dire avec l'accent anglais ou américain, comme tu veux. Vas-y. Oui, italien. Ils sont italiens. Ils sont italiens. Oui. Voilà. Ouais. Pour une fois que je le dis bien en anglais, c'est un groupe italien. Voilà. Allez, vas-y. Allez, on envoie tout de suite une petite série musicale. Profitez-en bien. Mettez-vous-en plein les oreilles. Yes. Oh, Bonsoir à tous et bonne année à tous les auditeurs et animatrices et animateurs de la radio. C'est reparti pour une année de podcasts et d'enregistrements. Voilà, c'était donc un petit message de notre ami Florent qui fait les podcasts de l'émission Mavrika. Oui. Et donc pour les gens qui ont loupé le début de l'émission, par exemple les gens qui avaient aquaponé par exemple ce soir aux piscines, bah ce soir ils pourront écouter l'émission s'ils l'ont loupé, la réécouter si ça leur a plu, ouais. Et puis aussi l'enregistrer. On peut télécharger carrément le fichier, puis l'écouter dans un an, deux ans, ouais. Conserver comme ça dans les archives. Ça c'est très important. Et merci aussi. Florent d'ailleurs. Merci Florent pour ouais. Tout ce qu'il fait. Parce qu'il fait ça depuis une dizaine d'années, déjà ouais, plus de 10 ans. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a diffusé son petit message qu'il nous envoyait à l'instant. Exactement. Voilà, donc on a écouté... Franchement, on s'est régalé là. Avec les deux morceaux là. Non mais même... Voilà, ça va être le Creekfest. C'est pas pour me la ramener, mais... Ah ouais, c'est du lourd. On va pleurer. Ah bon, c'est archi mélodique. Oui. Le chant, déjà. Ah bah, les voix qu'il y a, c'est vrai que c'est énorme. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de chanteurs qui ont une voix comme moi. Là, c'est vraiment du lyrique, quoi. On va dire ça comme ça. C'est des gens qui ont travaillé leur voix. Parce que une voix comme ça, moi, je sais pas faire. C'est des grands. Donc, et c'est vrai que ce style de musique-là, il y a vraiment à chaque fois des très bons chanteurs. Pas que des chanteurs, parce que si on écoute un peu le niveau des guitaristes, des bassistes, des batteurs. Et là, il y a qu'un gratteux sur le dernier titre de DGM, là. Il y a qu'un seul guitariste. D'accord, parce que souvent. Ah non, mais on va s'en prendre. Excuse-moi, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Les groupes, et ça correspond tout à fait à ça. Oui. Puissance et mélodie. Exactement. C'est ce qu'on. Voilà. Moi, j'ai déjà mon petit cœur qui fait. Ce qui fait que ceux qui aiment bien la bonne musique qu'ils envoient, ils vont trouver ce qu'il faut. Exactement. Et ceux qui n'ont pas trop l'habitude, là, il y a quand même des belles mélodies, des bonnes interprétations avec des superbes voix. Donc, je pense qu'on va faire plaisir à tout le monde. Hein. Il faut vraiment y aller. Hein. Donc, pour finaliser le Creekfest 5, on est bien d'accord. On veut tous vous voir, toutes et tous, le 11 avril 2026, évidemment, de cette année. Hein. Oui, c'est cette année. Hein. 18h30, ouverture des portes, c'est la salle Espace Loire, c'est 1 rue du Stade à Cléry-Saint-André. Et là, les préventes sont déjà ouvertes pour 18 balles. 18 balles, c'est un paquet de clopes. Oui, 18 balles, oui. C'est même pas une place de ciné. Ouais, hein? Si tu regardes le. En gros. Par rapport au nombre de groupes, c'est donné, quoi. C'est donné. Un paquet de clopes, une baguette. C'est ça. Non, mais sans rire, 18 balles, franchement, en pré-vente, hein, parce que volontairement, on a monté le prix sur place pour vraiment pousser les gens à prendre leur pré-vente. D'accord. Mais là, avec ce qu'on vient d'écouter, 4 super groupes. Le prix sur place, ça sera de combien qu'on fasse peur directement aux gens, je crois que c'est 23 balles. C'est 5 balles de plus. Voilà. 5 balles de plus. Alors, il y a un tarif réduit. Au lieu de 18, c'est 15 balles pour les moins de. Les mineurs, donc moins de 18. Moins de 18 ans. Et, et 12, donc entre 12 et 18, c'est 15 balles. Et moins de 12, c'est gratos. C'est gratos. Accompagné. D'accord. Oui, il vaut mieux. Hein, on ne fait pas garderie. S'il y a des gamins qui viennent à cet âge-là, tout seul, à mon avis, on aura des doutes quand même. Il y a des fans, mais il est peut-être un peu perdu, le fan, là. Ouais. Il y a des fans, justement. On est content de recevoir. Parce qu'on dit, c'est une musique un petit peu vieillissante, etc. Il y a des jeunes et on est content de les voir. Bien et il ne faut pas croire qu'on est sectaire. Hein. Nous, on aime bien justement voir des vieux, des jeunes, de tout âge, quand on a la passion. Et les plus jeunes vivent dans ce genre d'endroit une expérience aussi mémorable. Oui. Le nombre de gamins qu'on peut voir sur les épaules des parents et qui qui en profitent, c'est extra. Exactement. Oui. Donc voilà, le Creekfest 5, s'il vous plaît. Venez en famille. Avec vos amis. Venez. Exactement. On vous attend. Et je crois que quelque part, c'est ce qui vous a impressionné. Vous avez sûrement été, quand vous étiez gamin, vous avez vu des grands artistes sur des scènes ou même à la télévision. Oui. Et vous avez dit, c'est la musique que j'aime, c'est ce que j'ai envie d'aller voir. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous créez ces événements-là, c'est parce que c'est votre passion, c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps et que vous avez envie de partager avec d'autres personnes. Donc, Pour citer Sortilège, moi je les ai vus en 83, j'étais pas vieux à l'époque. Et 83 à la salle du Baron, avant que ça s'appelle l'Astrolabe. J'ai vu Def Leppard, j'ai vu au Parc des Expos, avant qu'il n'y en ait plus. Voilà. Et tout ça, c'est effectivement, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux entendre. Et je me suis acheté tous les albums voilà, qui y avait à ce moment-là. Et ça l'a fait. Voilà. Tout à l'heure, tu avais cité tous les groupes qui avaient participé au Creekfest. Oui. Il y en a quelques-uns que tu as oublié, non? Ah, pas du tout. Non, il y avait Benzine, Elixir. Ah non, mais alors attends. Ouais. Non, mais depuis le début. Depuis le début, je les connais tous. Bah, heureusement. Voilà. Oui, heureusement. Oui, tu les connais, mais tu les avais tous cités alors. Il y a notre ami Pat avec son groupe Dark Revenge. Voilà, Dark Revenge. Après, il y avait Prisma, forcément. Ouais. Et entre les deux, il y avait les Broken Arms. Broken Arms aussi, le groupe, ouais. Voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on oublie personne, parce exactement. Que c'est important de parler de tous les groupes qu'on connaît en plus, hein, des groupes qui tournent dans la région et qu'on. Donc. C'est vraiment bien de les rappeler, quoi. Au 2, au Creekfest 2, il y avait donc, on démarrait les Warm-Up. Warm-Up. Warm-Up, voilà. Avec mon. Un groupe que j'ai reçu dans l'émission il y a. Bien sûr. Il y a une dizaine d'années. Voilà, et quand je le retrouvais dis que c'est là. Du local, ouais, voilà. C'est pas une blague. Après, il y avait encore Prisma. Prisma. Et là, moi, j'avais découvert peu de temps avant, quand j'ai fait en tout cas la prog, j'ai découvert un tout nouveau groupe. Qui fait du hard FM, de l'AOR, on appelait ça comme ça, AOR. Mmh. C'est le groupe Earthline. Earthline. Ouais. Avec mon ami Yvan, entre autres. Hein, maintenant, c'est tous des potes, évidemment. Et puis, bah, depuis, on se lâche pas. Hein, on a fait une belle salle, le backstage by the Mills à Paris, ensemble. On s'est payé ça. On les voit régulièrement. Et puis, on va les revoir, mais on en reparlera un petit peu après. Sur un truc qui va se passer au mois de septembre. Mais on en parle juste après. On en parlera après parce qu'il y a un morceau aussi. J'ai cru voir un morceau de Earthline. Faut pas le dire. Non, mais franchement, moi, j'étais là le jour où ils sont passés. Et c'est un groupe qui m'avait bien marqué parce que c'était super carré, super bien fait. Ils sont en train de marquer des points. Ah ouais. Ils sont deuxième meilleure vente de leur maison de disques quand même. Hein. Ah ouais, d'accord. Très bien. Voilà. Donc. Je suis content de voir que je suis pas le seul à les avoir appréciés. Ah oui, non, mais franchement. Manu le chanteur, c'est une perle, enfin bon, c'est du tout bon. Après, donc, au Creekfest, on en était aux deux, donc au 3, on a eu donc Elixir qui a ouvert le festival. Qu'on a reçu ici dans les studios aussi. Voilà. Après, on a eu un autre groupe un peu nouveau, Prisma. Ouais, Prisma. Voilà. Et puis, on a terminé évidemment avec nos on est gros fans. Sortilège. Voilà. Donc là, franchement, on a pris un pied, mais phénoménal. Ensuite, bah donc 2025. 2025, le Creekfest 4. Ah, si tu reparles de Prisma. Oh, non. non, ils étaient. Bah oui, ils étaient là. Ils étaient là. Donc on a ouvert avec Benzine. Benzine, voilà. Ouais. Prisma, après on a eu Stratagem, et après on a eu donc King Crown. Voilà, qui eux aussi ont bien cartonné avec leur album Nova Atlantis. Et puis voilà, donc le Creekfest 5, et ben re 4 groupes, re Prisma. Mais c'est normal, c'est. Eh ben oui. Ouais, bah, tu es quand même le guitariste du groupe Prisma. Et tout à l'heure, on a écouté, on s'est dit, il se débrouille pas trop mal, le guitariste, quand même. Ouais, il se débrouille bien. On s'en fout, là, c'est pas le. Voilà. On a surtout parlé du batteur. Ouais, le batteur, on a parlé de Ben. Ben, on t'aime. Voilà. Voilà, et donc, voilà, Creekfest 5, faut venir. Voilà. Voilà, ça, c'est important. Après. Si tu permets, parce que. Ouais, on va parler on va tourner la page, parce qu'on a tellement de choses à dire, et puis on s'est dit, bon, on est toujours avec le Creekfest. C'est ça. Donc c'est ça, important, mais bon. C'est un événement, mais 2026, on va faire très fort, puisque 3 événements sont programmés. Le premier, ça va être, notre tout premier, l'auto. L'auto? Eh oui, on organise un loto. Pourquoi? Parce que tout le monde nous dit que les lotos, bah, c'est déjà le côté sympa. Voilà. Mmh. Oui. On va toucher un autre public par rapport à l'assaut. Là, les gens nous connaissent avec l'assaut par rapport à la musique. Mmh. Mais là, il n'y a pas que la musique, il y a l'amusement, il y a le jeu, puisque le loto. Et moi, j'ai de la chance en perso proche d'avoir quelqu'un qui fait des lotos tous les week-ends. Donc, j'ai noté, voilà, tout ce qu'on m'a dit. Et puis, ben voilà, on va faire notre premier loto. Donc, c'est le 8 février. Et c'est dans la même salle que le 5. Le 8 là, qui arrive bientôt, quoi. Bah, ah ouais, oui, d'accord. 2026. Bah, d'ailleurs, on va y aller parce que on prépare. Enfin, on va réparer. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça va arriver très vite. Là, voilà. Le 8 février, exactement, donc le Loto Creekfest. Creekforsic. On n'a pas donné de nom. Là. C'est pas donné non, de nom. Non, Loto. Loto. C'est le premier, on verra plus tard si ça marche. Donc le 8 février, ouverture des portes midi. On aimerait bien que les gens réservent leur table. Il n'y a pas de prévente. C'est au moins réserver son emplacement. Parce que on se met à la place, voilà, des gens qui ont des petits problèmes d'audition ou des problèmes de vision. Ils aiment bien être installés au début de table, proche de la scène. Et donc on leur conseille fortement Qu'est-ce que tu racontes encore? Mais je n'entends pas bien. Ah oui, bah, pas bien. Eh non, s'il vous plaît. Hein, voilà. Donc voilà, réservé. Tout est encore une fois sur notre page Facebook Creekforsic. Mm-hmm. Il y a l'événement Loto et vous aurez tout le descriptif, y compris le numéro de téléphone à appeler pour réserver vos places. Voilà. Donc le 8 février et on ouvre à midi et ça débute des parties à 14h. Et très important. C'est un spécial bon d'achat. Donc je ne citerai pas la marque, mais en fait c'est une grande surface nationalement connue. Donc en gros, vous gagnez un bon d'achat là à Cléry ce jour-là. Vous pourrez le dépenser, vous avez un an pour le dépenser dans n'importe quelle enseigne de cette marque en France. Voilà. D'accord. Et dans l'eau de consommation, évidemment, on a quand même un lien avec la musique, Creekforsic quand même. Et donc, ce sont nos partenaires, je ne peux pas citer les marques, mais notamment un magasin de musique récemment installé sur Orléans, notre label qui diffuse les CD de Prisma, qui a eu la gentillesse de nous envoyer une vingtaine de CD récemment sortis de tous les artistes français du moment. Lié au rock, hein. On va pas se travestir, vous allez pas gagner de CD de le dernier Jules, par exemple. Vous l'avez pas. On l'a eu. On l'a eu. Mais il a déjà été gagné. Cassé. Il est arrivé cassé. Ah oui, donc. Non. Il n'est pas cassé. Non, pas le son, c'est normal. Hein. Il en faut pour tout le monde, s'il vous plaît. Voilà. Même avec le scotch, la belle musique est meilleure. Bon, pardon. Donc, rapport avec quand même l'association et puis votre film musical. Voilà. Bien sûr, notre fournisseur de bière, par exemple, va nous fournir des lots, par exemple. Je ne citerai pas la marque. Voilà. On aura des t-shirts à gagner et on aura des places gratuites sur le Creekfest 5. D'accord, donc vous allez là-bas au loto et puis vous pouvez gagner des places pour le prochain événement, donc le Creekfest 5 qui aura lieu le 8 avril. Non, le 11. Le 11 avril. Oh là là. S'il te plaît, dis non. Oh, attends, le 11 avril. Le 11 avril. Avec un stylo, s'il te plaît. D'accord, j'ai noté. Alors, après, le 1 bonne année, tout à l'heure, tu nous as fait une merguez Hertz. Merguez. Je sais pas si t'as entendu, mais Florent, il va l'écouter sur le podcast. Hein. Ouais, je te promets, il va nous couper, 96.2 merguez Hertz. Mégahertz. Non, tu nous as fait la merguez. D'accord, ok, c'est possible. Alors c'est une radio portugaise, pas une radio marocaine. On va le récupérer, on va en faire des jingles, tous ces trucs-là. Je t'aime, Albino, je déconne, hein, t'inquiète pas de problème. Donc voilà, plein de trucs sympas à gagner. Et il y aura aussi une place pour le troisième événement. D'accord. Et là, c'est un sacré cadeau. Et en plus, on le met en lot de consolation. C'est-à-dire que la personne perd, ne gagne pas le bon d'achat. D'habitude, voilà. Ouais. Là, va tirer au sort. Et ça se trouve, elle va gagner mieux que le bon d'achat. D'accord. Ah ouais, donc... J'aime ça, moi. Ça vaut la peine. Voilà. Et puis, il y aura de quoi se restaurer, un petit peu de boisson. Voilà. On a mis volontairement les cartons. Je peux redonner les prix, vite fait. On a le droit. Ouais, le prix du carton, oui, 3 balles, alors que maintenant c'est plus 4, voire 5 balles. Mmh. Parce que on veut faire plaisir à tout le monde, et puis on veut essayer de blinder le truc. pour qu'on puisse en refaire. On verra si ça plaît. Pourquoi pas. Voilà, donc ça fait plaisir aux gens qui aiment bien jouer. Exactement. Et je sais que ça remplit pas mal de salles. Il y a pas mal de gens qui organisent ça. Et puis à chaque fois, il y a des passionnés de ça. Donc, exactement. Voilà, ils sont contents. Donc ça sera notre premier, on verra. Ça sera peut-être notre dernier. Mais en tout cas, on va se faire plaisir. On va passer un bon moment. C'est un dimanche après-midi. D'habitude, on fait la sieste. Bah là, on la décalera. Et puis, voilà. Et ça sera le... Alors ça, c'est le 8 février. Voilà, à pas confondre. Hein. Et c'est le 11 avril pour le... Pour le Creekfest 3. Creekfest de 5. 5. J'ai dit 3. Ah, ça y est. Voilà, elle est bonne, on la garde. Allez, dans la boîte. Alors, à ce propos du Creekfest 5, je propose... Attrape-toi. À nos auditrices et à nos auditeurs, écoutez-moi bien, on va vous offrir une place. Ouais, donc pour un troisième événement. Fest 5, ouais. Parce que si je vous offre une place pour le 3, c'est passé. Vous allez mal le prendre. Pour le 5, évidemment, première personne qui appelle le 02 38 43 48 00. D'accord. Et juste à dire à Albino ou à Didier, si je parle lequel des deux va répondre au téléphone, il suffit de dire combien il y aura de groupes à l'affiche du Creekfest 5. D'accord. On l'a dit au moins. C'est pas trop compliqué, je pense. Voilà. Donc, il suffit d'appeler au numéro. Voilà. Et on a même diffusé les morceaux des groupes, en plus. Hein. Exactement. Voilà, tout à fait. Faudra quand même laisser au téléphone, adresse mail, téléphone, nom, prénom. D'accord. Pour qu'on puisse vous envoyer la place. Voilà. Très bien. On envoie un morceau et puis, vous attendez que le morceau soit lancé et vous appelez. Un morceau du loto. Bling, bling, bling, bling, bling. Un morceau que tu m'as apporté. C'est des boules, la nuit. Désolé. Il faut lancer, là. Ouais. Il faut lancer. Alors, tu vas lancer, par contre, on attaque le troisième événement, là. Ouais. On est d'accord, hein. Voilà. Donc, allez. Là, on envoie un morceau, et après, on en parle juste après. Deux. Pendant ce temps-là, on envoie deux morceaux? Deux morceaux. Donc, pendant ce temps-là, vous pouvez nous appeler c'est effacé, là. Au 02. 38. 02, 38. 02. 38. 43. 43. 00. 00. C'est voilà. Ça. Vous nous appelez, vous dites combien il y a de groupes au Creekfest numéro 5. Exactement. Voilà, c'est parti. Et on va écouter un morceau d'un groupe, je sais pas si ça va fonctionner. Le nom, déjà, c'est un petit peu bizarre. Ah oui. On l'écoute et on présentera tout à l'heure. We'll be right back. Vient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, on n'a pas de bonne réponse. On n'a pas eu d'appel. Donc, les gens sont endormis. Si, on a eu un appel, mais c'était un essai de France Télécom qui, d'accord, qui s'est gouré de boutons, mec. Oui, on a eu un appel, mais bon, bah, on n'a bon. pas de bonne réponse. Donc, voilà, on le remet en jeu. On laisse les gens. Oui, oui, oui. Donc, voilà, on va rappeler quand même la question parce que peut-être les gens ont-ils mal compris. En plus, comme on a bafouillé au niveau des numéros de téléphone. Donc, le 02 38 43 48 00. Donc vous nous appelez dès qu'il y a la musique, c'est mieux. Ou sinon, après vous meublez, puis moi je répondrai au téléphone, il n'y a pas de souci, on va se débrouiller. Alors si vous nous dites combien il y a de groupes qui vont jouer au Creekfest numéro 5. C'est ça. Donc on a passé tout à l'heure les groupes en plus. Oui. Si vous nous dites combien il y a de groupes, vous gagnez une place pour aller justement au Creekfest numéro 5. Donc voilà. Ça c'est quand même petit cadeau de 18 balles. Bon. 18 balles, hein, 18 balles. Et puis, si vous aimez la bonne musique, c'est l'endroit où il faut être, justement, le 11 avril. Exactement. Voilà, c'est pas le 8, c'est le 11. Hein. Ah oui, non, le 8, c'est le février. Sinon, ça tombe en semaine. Sinon, ça tombe en semaine. Voilà, on rectifie tout ce qu'on a pu se planter. Donc, c'est voilà. Donc, on va parler du deuxième événement. Deuxième événement musical. Voilà. Bien. Non, mais je me rattrape bien. Ah, quoi qu'il y ait un peu de musique dans le deuxième, hein, quand même. Dans le deuxième. Vous allez mettre un peu de musique quand même. Non. Non, mais on fait gagner des trucs. Musical, ouais, d'accord. Musique. Mais il n'y a pas de musique le jour J, vous ne mettez pas une petite musique de fond Non, parce que la SACEM, on leur en donne assez. D'accord, ok, oui, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais voilà. J'ai pas, voilà. Bref, alors là, effectivement, tu viens de nous envoyer deux super titres. Donc, je sais pas si ça marche. Le premier, je sais pas si ça marche. Je ne sais pas, mais en tout cas, C'est original comme nom, Toto. En tout cas, je pense que tout le monde a reconnu cette musique. Ce titre. Ouais, ça c'est un morceau qui a marqué. Indémodable. Ouais. Super bon morceau. Et en fait, rapidement, puisque le temps passe, Le troisième événement, en fait, est né d'une idée qui me trottait dans la tête depuis un bon moment. Notamment quand Creekfest 3 a été sold out, j'ai dit bah c'est quand même dommage parce que on prévoit des trucs mais on est obligé de refuser du monde. On en parlait tout à l'heure. Et puis en réfléchissant, j'ai dit mais en fait on a un problème de salle, de taille de salle. Et c'est quand même génial le festival en plein air. Le plein air. Oui, c'est excellent. Ah, oui, oui, un festival en plein air, ouais. Voilà, tu peux mettre beaucoup de monde, ça peut être dans un champ, ça peut être, voilà, sur un terrain aménagé, ça peut être, voilà. Tu peux balancer du son sans que, voilà, ça nuise au voisinage quand t'es dans une salle. Et puis, c'est le côté, on est encore en été, on est encore dans la bonne humeur et tout ça. Et donc, je me suis rapproché d'une connaissance qui bosse, d'ailleurs c'est le patron, du son et lumière de Cléry Saint-André. Faut savoir que depuis plus de 20 ans, je crois, de mémoire, ils organisent un spectacle historique, scénographique, joué par des... Son et lumière. Voilà, son et lumière, joué par les bénévoles de leur asso. Et j'ai trouvé que ce terrain était vraiment très très bien aménagé. Il y a de l'espace, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir créer un pôle restauration, des buvettes. Le terrain est clos, il y a l'infrastructure électrique. Alors ça c'est essentiel pour un festival en plein air, c'est l'électricité. Parce que vous doutez bien que le rock'n'roll se joue sur des amplis. Ouais. Et les amplis, il faut bien les alimenter. Alors, pour l'instant, on parle pas de d'ampli à batterie, quoi que ça existe, hein, mais tu joues 10 minutes dessus et après il n'y a plus de batterie. Bref, l'idée est venue d'organiser un peu plus gros, voire moyennement plus gros que le Creekfest, et partir par exemple sur 8 groupes. Voilà. 8 groupes. Et voilà. Ah oui, carrément. Et donc, il y a eu beaucoup de questionnements, notamment financiers. Parce que, évidemment, tout est multiplié par rapport au Creekfest. Ouais. Vu qu'il y a 8 groupes, il y a les cachets, voilà. La technique en plein air, c'est multiplié par 3 au niveau quantité sonore. Hein, parce que l'air freine tout à l'extérieur, enfin bon, bref. Plus le nombre de personnes pour contrôler toute cette foule qu'on pourrait mettre. Et puis, après questionnement auprès de notre chère équipe de l'asso, après un petit bilan prévisionnel de trésorerie, notamment, banco. On essaye. Voilà. Vous essayez. Donc, comment ça va s'appeler? Donc, encore une fois, il y a un petit rapport avec l'asso. Ouais. Autant il y a le Creek Fest pour Creek for Zik. Et bien là, c'est Zik in, en anglais avec le petit apostrophe. Zik in. Alors, normalement, ça se dit Dri, la ville. D'accord. Dri, D-R-Y, se dit Dri. Dri, oui. Voilà. C'est juste à côté de Cléry. Ouais. Donc, c'est à 10 minutes, même pas. Après Cléry, quand on va vers Blois. Mais là, je voulais absolument faire un petit clin d'œil à un groupe que je kiffe depuis une éternité, qui s'appelle Def Leppard. Mm-hmm. Ils ont sorti leur deuxième album, s'appelait High and Dry. D'accord. Donc j'ai fait un petit mix, et c'est pour ça que le festival s'appelle le Zik and Dry. Zik and Dry. Ça sonne. Zikindri, ça fait... Tu m'en resserres un. Zikindri. Voilà, c'est tu ça. As américanisé un peu le... Ouais, le truc, voilà, quoi. Non, mais je trouve que ça sonne. Et donc, en plein air, ça sera sur un samedi, ça va démarrer à ouverture des portes à midi, et on va jusqu'à 1h du matin. Et moi, en tant que... Quand je vais sur un festival... ce qui est galère quand il y a beaucoup de groupes et une seule scène, enfin galère, c'est pas super galère, mais quand même un peu, il y a le temps de changement de plateau qui fait que pendant une demi-heure, voilà, on se balade. Et pendant ce temps-là, le temps passe, et on arrive difficilement à caser un set complet de, pour moi, pour un groupe, un set c'est minimum une heure, voire une heure et demie. D'accord ? Et ça nous emmenait trop loin, donc l'idée est venue de mettre une deuxième scène. D'accord ? On met les deux scènes côte à côte, un peu comme le Hellfest, mais loin d'être, loin d'être dans les mêmes quantités, on va dire. Et donc, voilà, l'idée, 8 groupes. Et comme d'habitude, si possible, le style musical qu'on kiffe tous dans l'assaut. D'accord ? Et puis, donc, faire venir de l'artiste international, si possible, qui nous mettent pas non plus, qui écroulent pas tous les comptes, et en même temps, se faire plaisir d'écouter de la musique qu'on ne pourra plus entendre. Et là, tu as passé, par exemple, le morceau de Toto. Bah maintenant, Toto, il commence à avoir de la bouteille. Alors certes, il tourne encore un petit peu, mais pas énormément, voilà. Et il n'était pas disponible pour venir ce jour-là. Et puis c'est impossible en termes financiers. Voilà. Voilà de, et en termes logistiques et en termes de beaucoup de choses d'ailleurs. Donc on a la chance en France, mais dans d'autres pays sans doute. Mais moi en France, j'ai la chance de connaître pas mal d'artistes qui font du tribute, puisque j'ai fait moi-même partie d'un tribute. Tu le sais bien. Mmh. Et donc là, il y a un groupe qui reprend donc du Toto, qui s'appelle Kingdom of Toto. On peut pas être plus clair. Ils sont de Paris, voilà. Et on a quand même Monsieur Philippe Calfon, le guitariste. C'est pas un nounou en la matière, comme dirait l'autre. Hein. Voilà, c'est une des pointures guitaristiques en France. Hein. Donc voilà, c'est eux qui vont venir, entre autres. Hein. Tribute de Toto. Je sais pas encore dans quel ordre les groupes vont jouer, puisque ça, on a quand même le temps. Il y a peut-être des têtes d'affiche quand même. Comment ? Il y a peut-être des têtes d'affiche. Il y a aussi des têtes d'affiche. Et donc voilà, il y aura déjà ce premier tribute de Toto qui s'appelle Kingdom of Toto. Le royaume de Toto, hein, on va traduire pour ceux qui ne sont pas... Voilà, le roi, voilà. Et puis on aura évidemment de la musique originale, on va dire ça comme ça, en tout cas pas de la reprise. Et là je suis littéralement tombé amoureux sur les conseils de notre booker, parce qu'on a la chance d'avoir un ami booker qui est d'ailleurs... Pour la petite histoire, le chanteur d'Amon Cetis qu'on reçoit au Creekfest 5. D'accord. Le monde est petit quand même. Le monde est très petit. Et il m'a dit, va écouter, puis tu m'en diras des nouvelles. Et Séville, mais j'ai pris une claque. Déjà, techniquement, hein, au niveau des instruments, c'est propre, c'est du bon. C'est exactement ce que j'adore. Mais alors, la voix de la chanteuse, je vous invite à découvrir Séville. Vous allez sur YouTube. Hein. Allez découvrir, elle a fait quelques covers comme ça pour elle, pour rigoler peut-être, mais moi ça m'a mis les poils, j'en ai même pleuré, hein. Tellement que c'est beau, elle a que vraiment, d'émotion. Elle a vraiment une superbe voix. Et donc ce sont des Bulgares, et donc on aura la chance de les avoir au Zeke and Dry. Zeke and Dry, voilà, il faut le rappeler là ce nom-là, hein, exactement. Parce que on l'a découvert tout à l'heure, et puis là on va le rappeler à plusieurs occasions. Exactement. Alors la date ? Alors la date, évidemment, hyper important. Oui, ça c'est important. Mais les gens, je pense qu'ils ont compris qu'il faut aller sur la page de Creek for Zeke, ouais. Et ils vont voir ce troisième événement qui les emmènera directement sur tout le descriptif du festival, avec notamment la date qui est donc le 19 septembre 2026. D'accord, 19 septembre 2026. Voilà. Donc juste à la fin de l'été, hein. Normalement, alors, ils font l'été, encore... l'été indien. J'ai l'été même indien. Été. Ah si. J'ai... Hey, Didier, c'est pas une blague. Écoute-moi bien. J'ai été jusqu'à voir l'historique, les archives de Météo France. D'accord. Sur les 10 années passées, le 19 septembre, il ne pleuvait pas. D'accord. Donc j'ai pas dit qu'il faisait une super. Donc voilà. Ça serait vraiment pas de chance si vraiment il pleuvait. Ça me ferait chier, oui. Ouais. Ça nous ferait chier, pardon. Excusez-moi. Donc, parce que voilà. Ça reste toujours un risque quand on est en extérieur comme ça, c'est le mauvais temps. Voilà. Moi, j'ai vécu un Hellfest tout le week-end sous la flotte. Ouais. Woodstock, ça a été un peu ça aussi. Hein. C'est ça, voilà, après. C'est rock'n'roll. Alors, bonne nouvelle, il n'y aura pas de gadou. Puisque le sol, c'est du mani calcaire concassé, tassé. D'accord, donc... D'accord. Pas de gadou. les pompes blanches. Blanches, ouais. Mais pas de cadeau. Non, mais c'est important. Les tapis important. De voiture, ils seront voilà. bien blancs, hein, mais bon, après le reste. Quelle voiture fout. Non, tu viens en moto, s'il te plaît. Tout le monde vient en moto. Bien sûr. D'accord, ou en sidecar. Alors, par contre, oui, ça, c'est important. C'est important, hein. C'est important. Il y aura donc des parkings spécifiques voiture, parking moto, parking bus. Oh, ben oui, carrément. Parce qu'il y a des gens qui vont venir et qui viennent déjà, puisqu'on a déjà des préventes, qui viennent de loin, d'accord. Et on mettra à disposition aussi des ponchos, des petits ponchos pas chers. Ça fera un petit souvenir, voilà. Mais au moins, vous serez protégé de la pluie, au cas où. D'accord, c'est des trucs étanches, quoi, finalement. C'est le but d'un poncho. Ouais, ouais. Oui, oui. Il peut y avoir des ponchos aussi qui ne sont pas forcément étanches. J'ai pas dit poncho. Non, mais poncho, par exemple, en Amérique du Sud, il y en a qui sont en laine, hein, donc voilà. Ah, je le connais pas. Ah, je le poncho en laine non, je connais pas le poncho en laine. Non. Bah, les Indiens, à l'origine, c'était pas en plastique. Ah, ouais, mais... Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment des trucs qui sont, ils sont jaunes, non? C'est de quelle couleur? Tu me parles de quoi, Albion? Les ponchos, ils sont de quelle couleur? Ça, je sais pas encore. Tu sais pas encore? Non. Mais il y aura des ponchos. Il y aura des ponchos. Oui. D'accord. Oh, très bien. Oui. Ah, mais c'est important, ça, les couleurs, parce qu'il y en a certains qui disent, ouais, des ponchos, ça m'intéresse. Taille unique. D'accord. Voilà. Oui, en même temps, des ponchos. Dans le pire du pire, on n'est pas livré en temps en heure, ça sera sac poubelle avec un trou au niveau de la tête. Oui, ça dépend aussi. La couleur. Noir. Voilà. Ou bleu. Non, mais après noir, s'il fait chaud, c'est compliqué. Il faut du blanc, toi. Il faut mettre un logo, parce que si c'est un souvenir, c'est bien qu'il y ait un logo. Toi. Et le logo Click4Zik est en noir et rouge. Sur du jaune, ça ne va pas le faire. C'est pas beau, ça. Ouais, c'est pas rock'n'roll. Ouais, donc, bon, je crois que les auditeurs, ils s'en foutent royalement. Oui, c'est une question que je posais. En revanche, les auditeurs, il y a peut-être une chose qui les intéresse aussi. On parle du parking. Qui sera surveillé, oui. Il faut le rappeler. Oui. Mais tu viens de rappeler qu'il y a des gens qui viennent de loin, oui. On sait déjà. Oui. Il y a aussi la possibilité de camper. Oh. Ah ouais, d'accord. Joli. Voilà. Avec un petit emplacement, on a mis ça pas cher. Les tentes seront livrées. Ah bon? Non, faut venir avec. Mais on peut venir en camping-car. L'emplacement, c'est voiture, une petite tente, ou deux tentes. Hein. Il y aura 25 mètres carrés par emplacement. Mais ça peut être aussi un camping-car. Voilà. D'accord. Et on a mis un tarif vraiment dérisoire de 10 balles qui permet d'avoir son emplacement, qui permet d'avoir. Il y aura des toilettes, évidemment, c'est quand même mieux. Point d'eau, un point d'eau potable, enfin en tout cas de l'eau claire. Voilà. Ça sera gardienné, ça c'est important. Les gens ont du mal à se dire « je ne veux pas laisser ma tente avec mes fringues, avec mes trucs perso à l'intérieur pendant tout le festival. » Ça sera gardienné, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment une personne qui va faire le tour. Voilà. Mmh. Et je sais déjà, parce qu'il y a déjà des gens qui ont pris leur billet pour le camping, il y a des femmes, entre guillemets, seules, voilà. Mmh. Je me mets à leur place au niveau, pour être moins stressé. Ça sera, il y aura possibilité. Voilà, c'est surveillé. Voilà. Ok. D'accord, très bien. Donc, on sera en sécurité. Là, voilà, on va dire exactement. Ça comme ça. Tout à fait. Donc, c'est en plein air. Oui. Il y aura des emplacements pour les voitures, pour les motos, pour les bus. Oui. Il y aura aussi des emplacements pour camper. Oui. Voilà. Donc, on a bien résumé. C'est ça. Alors, on continue avec les autres groupes, quand même. Ouais, voilà. Donc, on a présenté déjà deux groupes sur les qui sont excellents, qu'on a écoutés, qui en vont bien. Ouais. Et il y en a encore six. C'est ça, exactement. Oui, et puis le temps passe vite, il va falloir qu'on diffuse le maximum. Eh ben, oui, faut tous les mettre, sinon je vais me faire détruire. Mettre. Voilà, ouais, ça serait dommage de diffuser certains et pas d'autres. Et ils sont calés. Allez, vas-y. Ils sont calés. Allez, vas-y. Très bien. Donc, on continue, on les envoie et puis on en parle juste après. Voilà. C'est parti. Voilà, donc là, ça commence tout doucement, je vois ça. Donc il y a une petite introduction, on va parler un petit peu sur l'introduction. Alors, ouais. C'est pour nous mettre dans l'ambiance. Vas-y. Il y a de l'orage là déjà. Ah, c'est bon. Attends, faut que je me rappelle. Il était une fois. Un soir de déprime. On ira. Ah non. Non, bah non, il est mort. C'est moins drôle. C'est l'état indien. Oh mais ça joue quand même, hein. Il y a du piano, c'est un indice, oui, du clavier. Ça vient. Ça va monter en amplitude. Ouais. Ah oui, je sais pourquoi. Avec l'affiche, oui. Oui. le groupe original là, est américain. Donc là, ça va être un tribute de quel suspense. David, si tu m'écoutes, je t'embrasse bien fort. Les meilleurs guitaristes de la planète, Rock'n'Roll. Il a juste joué avec Rihanna, par exemple. qu'on revienne dans les studios, comme ça on entend la petite musique de fond, elle paraît toute douce par rapport à ce qu'on écoute juste avant. Ah, c'est ça. C'est la fin du truc, un petit machin, comme ça, oui. Je l'ai laissé, je me suis dit, peut parler dessus, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Donc là, on a écouté deux morceaux à la suite, ouais. Je vais te les laisser présenter, donc. Alors, il y a eu donc forcément l'original qui s'appelle donc Extrême. Extrême, je connais depuis les débuts et c'est un immense groupe, c'est une tuerie et forcément il y a un grand guitariste qui s'appelle Nuno Betancourt. Mmh. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a joué notamment avec Rihanna et j'adore leur style musical parce qu'ils mélangent pas mal d'influences et on ne peut que s'éclater, remuer du popotin, danser. Ouais, parce que en même temps c'est dansant. Hein. Voilà, c'est hyper, c'est excellent. Voilà. Et donc encore une fois, malheureusement, on peut pas se permettre, on n'aura pas les moyens de faire venir le vrai groupe Extrême. Mmh. Alors ils tournent encore, hein, bien évidemment. Hein. Mais on a la chance, encore une fois, d'avoir un excellent tribute français de Extrême. Et en plus de ça, le guitariste, c'est un copain, on se connaît depuis pas mal de temps. Et le groupe donc s'appelle N4. N4, pour la petite histoire, c'est la marque initiée par Nuno Betancourt, le N. Hein, d'accord. C'est sa marque de guitare. D'accord, il a été chercher des gens qui font des guitares, qui fabriquent des guitares. Moi, je veux telle manche, je veux tel bois, je veux tel micro, je veux ça. Et puis, on l'appellera N4. C'est la marque N4. Mmh. Et il a aussi ses amplis, enfin. Oui, je pense qu'il a dû tâtonner, essayer de faire d'une manière, de l'autre. Il a dû avoir peut-être plusieurs artisans différents. Et exactement. Il a sélectionné. Artisans, grosse entreprise de guitare. Ouais, mais à l'origine, il faut construire déjà le prototype. Oui, bien sûr. Donc, voilà, mais ce mec est bourré de talent et en plus j'adore sa personnalité, son attitude. Je l'ai jamais côtoyé, bien évidemment, un Américain, tu vois pas, voilà. Mais on va se régaler parce que David avec son groupe, son tribute N4. Franchement, ils reprennent les morceaux d'Extrême de très très bonne qualité. Et on va vraiment se régaler. Ils se partagent, ils sont deux chanteurs. Il y a un chanteur et une chanteuse, pardon. Pour information. Voilà. D'accord, très bien. Donc, tribute Extrême. Et là, on vient d'écouter une des têtes d'affiche. Mm-hmm. Parce qu'on aura la chance d'en avoir deux. Ah ouais, c'est pas une tête d'affiche, c'est deux. Voilà, exactement. Et ce sont des Suédois. D'accord. Mm-hmm. Qui font ce qu'on appelle vraiment du hard FM. Mmh. Voilà. Oui, c'est très mélodique, mais avec un son actuel, un son moderne, pas comme Bon Jovi où il y avait beaucoup de claviers un peu, mais guimauve, enfin, des claviers aériens. Mmh. Voilà. Là, ça rentre. Il y a tout ce qui est. Boum, ça envoie, quoi. Un clicker, le truc tout bête. Waouh! Derrière, mais ça envoie. C'est une tuerie. Et donc, le groupe s'appelle Heat. Donc, petit clin d'œil à la chaleur, je pense. Bref, et donc. Chaleur suédoise, oui. La chaleur suédoise, ouais. C'est bien connu. Ouais. Bah, les allumettes, ça amène du feu. Oui. Donc, la chaleur. Ils ont dans leur cœur la chaleur qu'ils n'ont pas dehors. C'est ça. Exactement. Donc, voilà, Heat quand même. Excusez du peu. Mmh. Hein, d'accord. Très bien. Donc on en est déjà à quatre groupes. Quatre groupes, hein. Et on n'en est qu'à la moitié. Et avant que tu lances les deux autres... Les deux autres, on va y aller deux par deux. Hein. Deux par deux, ça me semble bien. Moi, j'aime bien les paires. Et Madame Deloche. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai vu l'heure. En parlant de gagner, je redis... Si vous voulez gagner une place, une entrée gratuite. Ouais, parce que là ils sont dormis, les gens, je crois. Tu vas balancer un truc qui va les réveiller, je pense. Oui, aussi. D'accord. Si vous voulez gagner une place gratuite pour venir voir le Cricfest 5 du 11 avril. À Cléry-Saint-André. Ah, c'est pas loin. Espace-loi. Il suffit tout simplement de composer le 02 38 43 48 00. Et tout simplement dire à l'animateur qui va répondre, Albino ou peut-être Didier, de citer la quantité de groupes qu'il y aura présentes au Creekfest 5. Voilà le nombre de groupes. C'est entre eux, on va vous aider, entre 1 et 5. Et 5. Voilà. D'accord. Tiens, ça me va bien, ça. Entre 1 et 5. On mais c'est pas tout à fait 5. Ok. Donc, voilà. N'hésitez pas à appeler. Et si vous avez donc la chance d'avoir l'appel de Albino. Avec je pense qu'on pourrait les attirer en mettant une belle voix féminine aussi, hein, donc une très belle hôtesse qui va pouvoir répondre directement. L'hôtesse les accueillera, voilà, à Cléry-Saint-André. D'accord. Il y aura une entrée gratuite accueillie par des hôtesses en VIP, quoi, finalement. C'est vraiment. Mais alors, l'accueil est super familial. Ouais. Tout est super familial. Il n'y a pas de VIP, tout le monde est au même niveau. Toujours, oui. Même les têtes d'affiche. Tout le monde est VIP. Voilà. C'est un festival où tout le monde est au même niveau. Revenons aux Weekend Drive. Oui, et c'est toi que tu m'engueules parce que je perds du temps. Je ressens. Bref. Donc, c'est vrai que 3 heures ça passe très vite, donc on va aller droit au but. Trop vite. Trop vite. Droit au but, c'est l'OM ça. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Ça y est, allez. On va parler de football. On a dit pas de foot. Pas de foot. On a parlé de boule, de billes, donc c'est bon quoi. On a le droit de parler de ballon longtemps. C'est vrai. Bon, encore, on n'a pas attaqué le billard, vous inquiétez pas. Balance de morceaux. Donc, bon, appelez vite. Donc, les prochains groupes qu'on va écouter. Oui. Alors, c'est. Ah ben, je sais pas, tu les passes et puis on verra. Voilà, donc. Alors là. Non, mais je me rappelle du nom. La question que je voulais poser, c'est que là, on voit que c'est un morceau qui s'appelle. Dream for You. La question que je te posais, c'était est-ce que c'est le groupe Tribute? Ou est-ce que c'est les vrais qui seront là? En théorie, c'est les vrais. Les vrais? Les vrais. Le vrai groupe? Oui. Prisma? Oui. Waouh! Oui. Donc ils seront là en direct. C'est pas un tribute, hein, c'est vraiment les vrais, quoi. Je pense. Très bien. Donc on écoutera. On l'avait répété celle-là. Hein. Non. Donc on l'avait répété ici. Le tribute. Ah oui, le tribute. Le tribute. Répété. Mais non. Bon, là c'est effectivement, ce sont les vrais. Hein. Ouais, c'est un peu un tribute parce qu'il n'y a plus l'ancien claviériste. Oui, au niveau du clavier, il y a un petit changement. C'est donc, ça. Mais non, c'est le vrai, le vrai de vrai. Très bien, on écoute tout de suite et puis on se retrouve juste après. S'il te plaît. Appelez. Oh, are listening to W. Mavrika on Radio Arkansas. De retour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel après deux morceaux. Alors, on a écouté d'abord les vrais, hein, Prisma. Ensuite, on vient d'écouter le groupe Earthline, dont on Exactement. Avait parlé tout à l'heure. Oui. Et pour les titres, je ne les ai pas marqués sur le programme. Bah alors, Prisma, c'était tout simplement un extrait du premier EP 4 titres. C'est le titre donc Dream for You, pardon. Dream for You, ouais. Exactement. Et puis Earthline, c'est extrait de leur dernier excellent album. Mm-hmm. Non seulement je les adore humainement, mais évidemment je les adore musicalement. Mm-hmm. Avec le fameux titre que je kiffe, qui s'appelle God Has a Plan. Voilà. Dieu a un plan. Alors j'étais en train de raconter. J'espère D'accord. qu'Yvan m'en voudra pas, mais il y a une anecdote avec ce titre. Yvan venait de composer un peu le riff de ce titre-là. Manu arrive chez lui. C'était aux alentours de midi, apparemment, si j'ai bien compris. Il avait déjà la ligne mélodique du refrain. Nanana. Voilà. Et puis, il cherchait un petit peu l'inspiration pour... Voilà, de quoi va parler ce titre. Et comme Manu avait ramené une bouteille de vin blanc qui s'appelait Plan de Dieu. Voilà, le titre s'est découlé de ça. Soit comme quoi, voilà. Des fois, ça tient pas grand chose. Hein, exactement, après. Tout à fait. Donc, voilà. En plus, c'est un morceau. Le titre, j'ai déjà diffusé déjà dans l'émission Mavrika. Celui-là, peut-être pas, mais je sais que si, ce titre-là, j'ai déjà diffusé. Oui, oui. Parce que le nom me dit bien quelque chose. Ouais. Bah, voilà. Très bien, je le connais. Ouais. Voilà, comme ça. Alors, tout très important quand même, parce que je vais me faire engueuler si j'en parle pas. Il faut savoir que Heartline, donc, ce sont leurs propres compos. D'accord. Mais ce sont des musiciens professionnels et ils adorent, ils ont une passion, c'est toute la musique qui est sortie dans les années 80, 90, voire même maintenant 70s. Et comme ils avaient vraiment envie de reprendre les bons morceaux qu'on écoutait à l'époque, aller au hasard du Journey, du Survivor, vous vous rappelez la musique de Rocky. De Rocky, ouais. Voilà. Et comme ils sont talentueux, bah, facile pour eux de les reprendre à leur sauce, certes, mais ça sonne super. Ils se sont dit, bah tiens, pourquoi on ferait pas un petit truc en parallèle avec les mêmes musiciens que pour Heartline. Ils ont monté ce qu'ils appellent le Big Rock Show. D'accord. Et c'est pour ça que à l'affiche, vous allez voir apparaître, enfin pour ceux qui l'ont déjà vu, ils verront, ils voient, zut. Bon bref, c'est marqué dessus, voilà. BRS Big Rock Show by Heartline. Parce qu'en fait, ce sont les musiciens de Heartline qui reprennent des covers, c'est des covers puisqu'une cover, on se l'approprie. Et on la met à notre sauce, d'accord. Contrairement au tribute. C'est une copie. Une copie originale totale, d'accord. Et donc, il y aura dans le set de BRS by Heartline des chansons, des covers. Donc, peut-être, hein, parce que je connais pas encore leur setlist. Du Journey, du Survivor, du Van Halen, du Bon Jovi, du Europe, voilà. Et il y aura aussi, parce que je l'ai demandé puisque je les adore, les meilleurs titres, mais ils en ont tellement, ça va être compliqué pour eux, les très bons titres d'Heartline, le groupe. Voilà. Ok. Très bien. Voilà. Il nous en reste deux. Je regardais parce que justement, on vient d'avoir, comme on met le programme de tous les artistes qui passent, on vient d'avoir un petit cœur envoyé par Heartline eux-mêmes. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. On est content de les diffuser et on est content qu'ils soient contents qu'on les diffuse. Exactement. Voilà. Et je vous embrasse bien fort, les gars. Je sais pas qui a mis le message, mais je vous adore. Voilà, très bien. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse, simplement? Bien sûr. Parce que là, je pensais, la semaine prochaine, il y aura un concert pour le nouvel album de Sika. Tu connais Sika? La question, ils ont joué dans le même concert dans America Live. Donc Sika, un groupe qu'on adore parce qu'en plus ils ont vraiment un truc personnel. Ouais, c'est vraiment Sika, ils ont une essence, un univers à eux. J'adore. Ils sortent un nouvel album et à cette occasion-là, ils vont faire un concert à l'Alliage à Olivet, donc la salle, une belle salle hein, en plus qui sonne bien et tout ça. Ouais. Donc il y aura un concert événement le 17 janvier, donc la semaine prochaine. Et à cette occasion-là, il y aura, je suis en train de lire un petit peu en même temps, donc à partir de 18h30, ouverture des portes, première partie, les Butterfly. Et ça tombe bien parce que la veille, ils seront chez nous, ici dans la mission Mavrika. Le beurre qui vole Butterfly, c'est les papillons. Il est vraiment pas c'est bon les papillons. C'est les papillons. Butterfly, c'est pas butter, si, c'est Butterfly. Si, Butterfly, c'est comme ça qu'on appelle les papillons. Alors moi en papillon, tu connais pas. Voilà. Donc le groupe les Butterfly seront en première partie et la veille ils seront. Donc moi je me suis dit tiens ça serait bien qu'ils viennent justement nous parler de cet événement là. Ils seront en première partie donc de Sika et donc la veille le vendredi prochain ils seront ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour leur parler de leur projet en même temps. Et donc et ensuite à 20h30 il y aura Sika donc qui sera là. Et il y aura aussi, j'ai vu ça tout à l'heure, il y a une exposition photo du fantastique Fabien Lambret qui a fait le travail autour du thème de l'album. Donc voilà, il y aura une petite exposition photo en même temps et vous verrez deux groupes. Donc c'est un rendez-vous à ne pas louper puisque le groupe Sika, à peine s'était formé, était venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter leur projet, ouais. Et un projet qui évolue et qui marche très bien, mm-hmm. Et c'est vraiment un plaisir de les voir sur scène. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment leur style à eux, et donc ça nous fait vraiment plaisir de parler de cet événement, et donc c'est un événement à ne pas louper. Exactement, voilà. Et en plus ils sont super sympas. Oui, ils sont super sympas, c'est des... Sika est venu avec plusieurs projets différents ici, vraiment différents les uns des autres, et puis jusqu'au jour où elle nous a présenté Sika, et là maintenant elle est à fond sur Sika, et je trouve que c'est un très beau projet, et on les encourage et on ira les applaudir. Voilà. Tout à fait. Très bien. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Oui. Donc on revient maintenant à l'événement. L'événement qui s'appelle Zik and Dry. Exact. Voilà. Du 19 septembre. 19 septembre. C'est ça. En extérieur. Voilà. C'est un open air. Open air. Festival open air. Et donc il y aura donc deux scènes et en tout 8 groupes. Et là, il nous en reste 2. Il nous en reste 2 encore. Il nous en reste 2 et il reste. Oh, ah ouais, oui. Ah, tu vas déborder un peu, hein, Albino. Oui, alors là, justement, alors en même temps, moi, je regarde parce qu'on a les réseaux sociaux, etc. Alors, si tu veux, tu peux passer les 2 messages audio. Donc, il nous a donné des petits messages. C'est notre ami Florent. D'accord. Donc, on va, voilà, le premier, j'ai déjà passé. On va passer le deuxième. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai une sur la même source. Donc, on va arrêter la petite musique de fond, voilà. Et on va passer le deuxième message de notre ami Florent, voilà. Un petit coucou aux auditeurs de Maverika, de l'émission du vendredi avec Albino et Didier, tous les vendredis de 19h à 22h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et radioarc-en-ciel.com sur Internet. Voilà, il nous fait des petites jingles en direct, donc c'est notre ami Florent, voilà, on le remercie pour son petit message, et bon, si on dépasse un petit peu, c'est pas bien grave, hein. Je pense que Florent, il nous a pas dit, voilà, il faut couper, parce que souvent, quand il est pas chez lui, il enregistre comme ça, et il nous dit, essayez de pas dépasser, parce que je pourrais pas avoir l'intégralité de l'émission, là, il nous a rien dit, donc on va dépasser de quelques minutes, c'est pas bien grave. Donc on arrive à la fin de cette émission, déjà, ah bah oui, il reste 2 minutes, et il reste 2 morceaux à passer, donc on va dépasser, ça c'est obligé. Et c'est pas des morceaux d'une minute. D'accord. Bah, ce qu'on va faire, on va dire les phrases magiques, déjà. Ouais. Que le rock'n'roll soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur. Ouais. Et everything is gonna be alright. Right. Voilà. Donc, et puis, on va souhaiter un bon week-end à nos auditeurs. Ouais. Et puis, on va leur souhaiter un bon week-end, une bonne semaine, une bonne nuit, une bonne soirée. Tout ce qu'on veut. On se retrouve vendredi prochain avec les Butterfly. Ouais. Donc, on en a parlé. Mmh. Et je te laisse quand même le mot de la fin puisque. Alors, moi, mais il y a aussi, je crois que MP avait un petit mot à rapide. Je voulais simplement rajouter une petite chose au sujet des tribute bands, parce qu'on entend souvent des gens qui disent, oui, bon, c'est des tributes, c'est pas les originaux, mais on a parfois pas l'occasion de pouvoir revoir les originaux. Hélas, quand on a des groupes de qualité comme ça, c'est important aussi de pouvoir profiter d'aller écouter la musique. Et ce qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est un concert de Soul Floyd. J'aurais jamais l'occasion de voir Pink Floyd. Et je me suis simplement posé la question de savoir, mais est-ce que j'aurai un jour l'occasion de voir Molière sur scène, de pouvoir écouter Tchaïkovski, de voir diriger un orchestre. Mm-hmm. Non, ces gens-là ne sont plus là. Non. Et heureusement qu'on a aujourd'hui des orchestres, des artistes pour continuer de faire vivre cette musique. Alors, et les tribute bands, c'est aussi fait pour ça. Ouais. Donc c'est pas des sous-groupes, c'est des groupes à part entière, avec des vraies qualités, des vrais talents. Exactement. Et ils ont tout à fait leur place sur cette affiche du 19 septembre à Dri. Et c'est de la musique qui nous plaît. Et en plus, t'as très bien amené, parce que le prochain titre qu'on va entendre, c'est un groupe qu'on ne verra plus jamais. Ah oui, bah je suis non, en train de regarder. Voilà. Never. Moi, j'aimerais bien entendre Nico aussi dire un petit au revoir. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas dit grand-chose aujourd'hui. Non, mais il était Nico, concentré. Il est concentré sur le rôle de secrétariat, de recherche de partenaires. Donc, voilà, j'ai la petite confirmation. Donc, Florent il m'a dit, tu peux dépasser sans problème. Donc, vas-y, prends ton temps. Merci, Florent, en tout cas. Mais partenaire, voilà, par exemple. Eh ben, si vous voulez faire partie d'un partenariat ou d'aider l'association, d'une façon ou d'une autre, pour nous aider, voilà, à organiser, nous aider financièrement, pour nous aider à développer et puis et à perdurer, c'est ça. Et à éviter que je me fasse foutre dehors par ma banque. D'accord. Ouais. Donc si vous avez un petit peu d'argent à investir, en plus souvent c'est déduit des impôts, je ne sais pas comment ça se passait tout ça. Donc les sociétés ont la possibilité de faire ça. Donc on aide une association et en plus quelque part ça évite de mettre d'argent aux impôts. Hein. Voilà. Ça. Donc et en même temps ça aide des beaux projets comme le vôtre et on espère que ça va continuer très longtemps. Donc on a besoin de personnes comme ça qui aident. Exactement. Mais surtout qu'en plus on ouvre, on n'en a pas parlé, mais bon, tant pis. Mais les VIP, on fait aussi des places VIP. D'accord. Voilà. Donc à VIP, c'est parking attitré, surveillé bien évidemment. Vous êtes accueillis vraiment personnellement, ok. Il y a un espace dédié VIP avec une tribune, donc vous pouvez quand même poser votre popotin. Et on vous offre, en plus de l'accès évidemment au festival sur sa globalité, un sac rempli de ce qu'on appelle des goodies. Ah ouais. Et oui, notamment, c'est une idée que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, puisque j'ai assisté à un spectacle en étant assis sur les fauteuils de la tribune qui sont en plastoc. Et je me doute que 12 heures assis là, ça sent le... Je sais pas comment on appelle ça, tu sais, les anciens, quand ils sont dans le plumard... Les escarres. Merci, voilà. Donc, je vais éviter ce genre de problème. Donc, j'ai trouvé un plan pour avoir des petits coussins qu'on va personnaliser. Vous aurez, en tant que VIP, droit à votre coussin que vous pourrez ramener en fin du spectacle avec Zik & Dry dessus. Si vous voulez le faire dédicacer après par les artistes, allez-y. Entre autres, hein, il y aura des t-shirts personnalisés pour les VIP. D'accord. Et, cerise sur le gâteau. Les VIP. Ah, VIP. Ouais, very VIP. Important personality. Yeah. Et vous aurez aussi cocktail dînatoire. D'accord. Eh oui, en gros, vous venez, vous mangez, vous écoutez de la bonne musique, vous buvez des coups. Pas aux premières loges, mais pas loin. Et il y aura aussi un accès, on verra comment on le met en place, mais une possibilité de visiter les backstage. En fait, c'est vraiment dans l'esprit du fan pour les fans. D'accord. Vous voyez l'idée? Moi, je kiffe aller voir les... Ce que les autres ne voient pas, j'aime bien visiter derrière. Ouais. Tiens, comment ils ont installé ça, les chiottes des artistes. Non, t'es comme, mais. Bref, les trucs importants. Et voilà, on donnera possibilité par petits groupes. Comment on fait pour être VIP, justement? Eh bien, alors, deux solutions. Soit on contacte Nico par le biais de Instagram, notre page Click4Zik, Insta. Pour qu'on puisse vous rappeler. Avec Nico pour voir quelles sont les possibilités. Soit c'est un achat groupé de plusieurs places. On peut imaginer une entreprise qui a envie de faire plaisir à ses salariés, qui sait que c'est le genre de musique qui est apprécié par tout le monde. Va leur offrir un beau petit spectacle en achetant X places. Et puis ça peut être aussi l'ultra fan. Qui a envie de passer 12 heures dans de super conditions, et ben voilà, il se fait un beau petit cadeau. Voilà. Et on parle des VIP, mais il y a une chose super importante aussi dont il faut parler, dont on n'a pas parlé. Le camping. Non, pas le camping, les tarifs. Il y a des places qui sont en pré-vente. Bravo. Il y a des places qui sont en pré-vente moins chères. Ouais. Il y en a quoi, une centaine? 300. Il y a 300 places qui sont à un tarif préférentiel. Oui. Une fois que ces 300 places seront parties, ce sera le même tarif pour tout le monde. Le tarif pré-vente. VIP. Voilà, sauf le VIP. D'accord. Ce qu'on appelle des early tickets. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, on peut donner prix, ils sont à 45 euros. Mais dépêchez-vous. Mmh. Nico, faut parler. Et pour clôturer le festival, il y a une surprise. Il y a une surprise. D'accord. C'est une surprise. On va tous se poser la question. On va pas réussir à dormir ce soir. Venez. Franchement, venez. Une grosse surprise. Ouais. Et on peut mettre 1500 personnes quand même au festival. Ah ouais, d'accord. Donc il y a la place. Voilà. Hein, donc n'ayez pas peur. Vous pouvez amener les amis, la famille, tout ça. Viens des tous. T'avais un petit mot, Sandra? Non, ça va. C'était très bien. J'ai passé un très très bon moment. franchement. Et c'est pas fini, on va rendre l'antenne. Mais après, il y a les photos, on va prendre des photos pour avoir des souvenirs de cette émission et tout ça. Il faut que je me rhabille, hein. Ouais, là tu t'es mis à l'aise là quand même, hein. Il est à l'aise le garçon. Non, on fait de la radio, on peut faire croire n'importe quoi. Bah, bien sûr. Voilà, on est très sérieux bien et en plus ici on peut pas plaisanter parce qu'il y a des caméras en plus. Donc si jamais on fait certaines bêtises, tout sera filmé. Ouais. Donc c'est pas moi qui bosse ici, donc je m'en fous. Mais... Ouais, non, c'est quand même... tu seras plus jamais le bienvenu. Non, non. En tout cas, un grand merci. Merci. Oui. À Mavrika, l'émission. À toi, Albino. À Didier, maintenant, qui t'a rejoint. Et vraiment, voilà, Arc-en-Ciel, Radio Arc-en-Ciel, moi, je l'écoute depuis très longtemps. Un petit clin d'œil, un petit coucou triste avec Fred. J'ai découvert la radio grâce à Fred Malon, ancien animateur ici. Mais voilà, des radios locales comme la vôtre, grâce à vous, ça nous permet de faire découvrir ce que l'on fait en local, voire plus, puisqu'on nous écoute. Une fois, tu avais un auditeur aux États-Unis. Ça permet de faire découvrir notre travail au plus grand nombre, et on est toujours accueillis de façon généreuse et sympathique. Voilà, merci beaucoup en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Normal. Et donc un petit hommage à notre ami Fred. Oui. Et je voudrais aussi rendre un autre hommage, parce que j'ai appris tout à l'heure une mauvaise nouvelle. Voilà, un des artistes que j'ai reçu ici, que j'ai eu la chance de connaître lors d'une émission, c'était le batteur des Motets. Il était venu à une époque. Malheureusement, il est décédé il y a 2 jours. Donc je voulais lui rendre hommage à notre ami Jackie, donc le batteur, l'ex-batteur des Motets, qui s'était battu contre une grave maladie. Okay. Donc voilà, on rend hommage à ces personnes. Là, parce qu'ils sont toujours vivants dans notre cœur, et puis on a partagé des bons moments, et ces moments-là, on ne les enlèvera jamais. Ouais. Donc voilà, on a une pensée pour la famille et pour les proches. Voilà, donc cette émission est terminée. Hein. Je suis désolé de la terminer un peu comme ça, mais bon, c'est la vie. Et, mais en attendant, ben, on reste joyeux quand même, parce que le show must go on. Voilà. Exactement. Et donc des bons événements avec Creek for Zik. Il y en a d'autres aussi. On en parle assez souvent. Voilà. On a parlé tout à l'heure de Sika. C'est vrai qu'on n'a pas développé beaucoup. Il y a beaucoup de concerts dans la région. Allez sur les réseaux sociaux, tout ça, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Et bougez-vous, allez applaudir les gens. Si vous pouvez pas aller à tous les concerts, allez une fois de temps en temps et retrouver des personnes, passer un bon moment avec eux. Chaque fois, moi, je sais que c'est toujours un plaisir d'aller à des concerts et de voir plein de gens et de ressortir avec les yeux pleins d'étoiles. Ça, c'est important. Tout à fait. Voilà, donc, on cite quand même les deux groupes. On va les citer, si oui. Si tu veux bien. Ouais, il y en a un, c'est... Alors, donc, on parlait tout à l'heure de groupes qu'on ne verra plus jamais. Ouais. Bah, là, c'est Van Halen. Van Halen, ouais. Qui n'a pas aimé écouter Van Halen? Malheureusement, Eddie est parti maintenant. Et donc, c'est un de mes guitar héros, voire mon guitar héros. Donc, on a une nouvelle fois une énorme chance... d'avoir de très bons tributes, notamment français de Van Halen. Et le groupe s'appelle, le tribute s'appelle 5150. Ils reprennent tout, y compris le logo et tout ça. Et franchement, mais ça le fait grave. 5150, c'est un rapport avec... Et bien, encore une fois, la marque d'ampli de Eddie. D'accord, c'était même le nom de son studio. Et d'un des albums de Van Halen. Et un des albums 5150. Voilà, très bien, je savais qu'il y avait un rapport. Il y a souvent un rapport. C'est ça. Et donc là, c'est bien de le savoir. Voilà, 5150. Et puis donc, cerise sur le gâteau. Mais là, c'est plus qu'une cerise. J'ai quatre. Pas d'action. C'est 4 cerises. Ouais, c'est 4 belles cerises même. J'ai pas d'action avec les Suédois en ce moment, hein. Y a pas de problème là-dessus. Voilà. La tête d'affiche, Crucified Barbara, qui se sont reformés il y a maintenant donc un an et demi, à peu près. À peu près. Et quand j'ai appris ça, ça m'a tout de suite fait tilt en disant non. Ils sont formés. J'étais pas au courant, en fait. Hein. Mmh. Et encore une fois, grâce à Jus, si tu nous écoutes, on t'embrasse bien fort. Voilà, il m'a dit, bah écoute, on essaye, on verra bien. Et donc, on aura les Crucified Barbara. Et sur les deux têtes d'affiche, moi, j'invite les auditeurs et spectateurs potentiels à aller vérifier sur les sites des groupes quelles sont les dates en France de ces deux groupes. Il n'y en a pas beaucoup. Voire pas du tout. Donc c'est vraiment l'occasion de les voir lors de vos événements. C'est ça, c'est important. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tout. Bah, merci à vous. En tout cas, c'est un plaisir. Nous, on rend l'antenne. On va passer les deux morceaux, hein, bien entendu. Sûr. On rend l'antenne. Et puis après, on fait les photos pour avoir les souvenirs qu'on postera dans la semaine, donc sur le Facebook de l'émission Mavrica. Et comme ça, ça fera des bons souvenirs. Et c'est vrai que dernièrement, j'ai classé un peu pas mal de choses dans mes ordinateurs, dans mes papiers, tout ça. Et j'ai retrouvé plein de photos, plein de bons souvenirs et tout ça. Sur l'émission Mavrica, il commence à en avoir un bon paquet. Et c'est toujours un plaisir de faire cette émission avec des gens charmants comme vous, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. C'était l'édition numéro 669 pour ceux qui auront suivi. Et donc, on retrouvera donc pour l'émission numéro 670 le groupe The Butterfly. Et voilà. Cette émission est terminée. À très bientôt. tiro, que ela tem pra mudar, não vou estar a forçar. Eu sei que te la vou te la cantar, vou correr pra tentar e não deixar andar. Sempre que ela falha, rua para, quero que ela caia. Cura para, caio em casa, nunca por saia. Minha mãe faz a jurar. Local, c'est sur le 96.2 FM. Au carreau de Formule 1.